changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Notre semaine spéciale de grosses bouffes sales, une grosse pointe d'adresse qu'on suivra. Et on filera encore à travers boutique de gadgets avec 5-6, mais ça ne devrait pas on l'a. Tout ça, Frédéric Bernard, assemblage requis tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente assemblage requis. Bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 29 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hey! Il nous reste seulement deux émissions ensemble. Hein? T'es plate-toi un peu de même. Ben, on pourrait continuer à venir faire semblant. Oui, oui, oui, ben oui, mais c'est sûr. C'est ça que ça fait d'habitude, un gars et une fille ensemble, tu fais semblant. On est très, très fake. C'est comme ça. Non, on est très transparent. Je pense que oui. C'est ça, puis on mérite d'aller en congé à perpétuité à partir de à jeudi. Perpétuité. À perpétuité. School's out forever. Mais non, un petit congé temporaire, mais quand même, donc deux émissions, dont celle d'aujourd'hui. Et justement, ben, l'émission d'aujourd'hui, elle est quand même appréciable parce qu'à 9h, à 8h30, pardon, on a Crackpot TV avec Frédéric Bernard. Ah là, j'espère qu'il va nous faire une liste pour l'été. D'émissions à regarder, là. Oh oui. Dans queue sur Netflix, là, queue interminable, là, aussi quelque chose a l'air bon, je mets dans queue. Et non pas je mets la queue dedans. C'est ça. Moi, c'est plus ça. C'est plus ça, ouais. Non, ça, c'est à 8h30. Enfin, l'émission, moi, si tout va bien, on devrait être capable de faire une grosse pointe en dresse, j'espère, parce qu'on s'est mis ça sur le plan, qu'on faisait ça tous les jours cette semaine, jour ouvrage. Sinon, défonce le programme! Un peu. Au pire, on fera ça juste de 2-3 minutes là, pour goûter, puis on fera pas de nouvelles au pire. Ça. Donc ça va être enfin l'émission. Et on va débuter avec des gadgets ridicules dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Et... on poursuit... la version bonus... de cette chronique-là. Extended Edition. Comment ça? Hein? Comment ça? Ah, oh, c'est une question que tu me poses? Oui. J'essaie de te faire participer à l'introduction de l'émission. Loot Crate, man! Hey! La dernière Loot Crate, en fait. Ben, je pense que oui. En tout cas, la dernière qu'on va présenter en nom, ça, c'est sûr. Hein? Effectivement. Mais tu sais, justement, je te demandais hier, coudonc, il nous reste-tu des Loot Crate? Loot Crate, c'est les boîtes par abonnement qu'on reçoit via Internet par la poste une fois par mois pendant 6 mois, nous, dans notre cas. Ben oui, puis oui. Ben malgré oui. nous. Et ben, coudonc, c'est arrivé hier. Hey, ho, ha, ho. Bonheur, bonheur. Génial. Donc, on va développer ça dans quelques instants. En fait, juste après une chanson de Salomé Leclerc. Ça vous va, ça? Hey, tellement. On écoute Vers le Sud, parce que peut-être qu'en arrêtant de s'acheter des gadgets, parce qu'on sera pas en onde, avec cette explosion de réponse-là, peut-être qu'on pourrait aller dans le Sud. Donc, Salomé Leclerc. Peut-être dans 6-8 ans, là. Ouais, ouais. Le Sud, comme genre passer le pont, je pense. C'est... Nicolette. Ben, ouais, c'est ça. Où on peut se gâter, on peut se rendre jusqu'à, je sais pas, Saint-Wenceslas. Road trip! C'est où c'est cela? Here we come! Thank you. Notre-Dame. Après, elle fait Salomé, Leclerc et la pièce vers le sud à Assemblage requis. Ah ouais, mais quand même, des fois, il faut faire des choix. Est-ce que tu vas aller en voyage, on a dit tantôt? C'est peut-être que si on arrête d'acheter des gadgets, on va pouvoir y aller, mais c'est des priorités, c'est différent, ça dépend des gens, là. Bof. Bof. Les deux sont tellement éphémères. Tellement. Ouais, nous autres, à la place de faire, mais la boîte, on va l'ouvrir. Voici si ça existe, ça ne devrait pas être là. Tout est un lien, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des choses qu'on achète sur Internet et qu'on devrait peut-être pas. Et comme vous l'avez entendu, sûrement, si vous écoutez Assemblage requis avec une certaine régularité Allbrand-esque, vous avez entendu qu'on ouvre des boîtes Loot Crate une fois par mois. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. On se partage les affaires qu'il y a dedans parce que, tu sais, on a acheté ça à deux. On est quand même une équipe radiophonique pauvre, exactement, et juste. Pauvre et juste. Parce que c'est ça, ben oui, dans le fond, c'est pas par générosité ou par quoi que ce soit. On s'en sac de l'autre, là. C'est on veut notre juste part. Voilà. Donc, est-ce que t'as le thème de ce mois-là? Dans le fond, oui. J'imagine que c'est le mois de celui qui précède avril ou celui d'avril, tu penses? Je crois. C'est qui est mars, mars? Je crois que c'est celle du mois d'avril. C'était quoi? En regardant en mars, j'imagine qu'on va savoir. Ouais, exactement, t'as peu. On va aller voir ça. Ouais, les boîtes du passé, on fait toujours ça pour rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on a eu. Mm-hmm. Celle du mois de mars, c'était Covert. Tu te rappelles donc du chandail de James Bond? Ouais, c'était les espions. Oui, la petite montre qui affichait l'heure seulement si tu y touchais. Des bandes dessinées de Orphan Black, des trucs comme ça. Avant ça, en février, on avait eu la boîte thématique Play. Sur tout ce qui est jeu, donc que ce soit des dés pour faire du... Oui, roche-papier-ciseaux, ça c'était très cool comme boîte. Oui. J'avoue avoir un petit faible pour celle-là. C'est très bien ça. La petite figurine qu'on dessinait soi-même, que j'ai pas encore fait. Oui, c'est ça, c'est à toi, t'as pas le choix, faut que tu fasses ça. Là. Cet été, je vais avoir le temps en masse. Et avant ça, en janvier, on avait eu Rewind, où on avait des cassettes de Nintendo avec des pattes et des bras. Ah, on avait oui. des lunettes 8-bits, chandail de Transformers... Ça, c'était cool. Alors, tu me rappelles tellement des beaux souvenirs. En décembre, c'était Anniversary, donc l'anniversaire de Loot Crate. On avait... qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Des figurines encore du Joker. C'est ça, du Joker? Ah ouais. De Batman. Des étoiles de Tetris, des trucs comme ça. C'est notre première, ça, si je me trompe pas. C'est notre première, en effet, parce que le reste ne me dit rien. Voilà. Donc, si on y va avec la boîte du mois d'avril. Attends un petit peu, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est, ben voyons, ça ne dit pas. Fantasy, voilà, Fantasy. Oh! Oh, qu'est-ce que ça veut dire, Fantasy? Donc là, moi, je suis déjà prête, là, parce que ça va être long. J'essaie d'enlever l'autocollant. Le petit collant rond en plastique. Ouais, qui ferme la boîte. Donc, je vais approcher le micro magique. Je suis certaine qu'il va me donner du courage et de la force pour ouvrir. Aïe, aïe! Hein? Pour ouvrir. Il est sensible, lui aussi, à ses fantasmes, le micro numéro 5. Ça détruit l'extérieur de la boîte, ça, je trouve ça dommage. Bon, moi, ça détruit pas l'intérieur. Oui, parce que souvent, l'intérieur a quelque chose de spécial et on peut refermer la boîte sur elle-même de l'autre côté pour avoir un petit casse-tête de plus. La fois, c'est un portable, la fois, c'est une console de Nintendo. Oui. C'est vraiment cool. OK, donc, bon. T'es prêt, je plonge la boîte à l'intérieur. Ta main à l'intérieur de la boîte. Et, oui, pas moi au complet. Non, non, je veux non. dire, la boîte n'est pas si grosse que ça. En fait, elle est de plus en plus petite à chaque mois, j'ai l'impression. Et moi, je suis de plus en plus grosse à chaque mois. Arrête donc. Ça a l'air d'une boîte de sandales plus qu'une boîte de souliers, je trouve. C'est vrai. C'est très petit, mais je t'annonce qu'on continue à refaire ta garde-robe. Ah, yeah, pas un chandail! Parce que à tonton, je te dirais que... Et toi, à tonton, tu peux pas les mettre, ces chandails-là. C'est ça l'affaire. Parce que je choisis la grandeur pour moi, ça. Ben, c'est ça, mais en fait... la grandeur te fait, mais moi, ça me ferait comme un chandail d'intérieur. Ouais. Actuellement, ça me ferait un chandail normal. Ouais. Mais toi, ça te fait un chandail d'intérieur. Donc, j'y viens. Je me demande, fantasy, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, moi, je pense... Fantastique, science-fiction, probablement, non? C'est très différent, fantastique et science-fiction. Ah, OK. J'espère qu'ils n'ont pas mélangé les deux. Je sais pas, ils sont peut-être pas aussi. À moins qu'il y ait une extension de thématique, mais je sais pas, moi, ça... Je sais pas pourquoi je pense à Zelda. Je sais pas pourquoi. Tu sais, tu dis qu'il faut pas changer les définitions des mots, mais en même temps, la chaîne Sci-Fi aux États-Unis joue de des matchs de lutte. Fait que, tu sais, la définition du mot science-fiction est fantastique. Ouais, non, mais là, on s'entend qu'à Musique Plus, ils jouent aussi des tatous. Genre, là. Mettons. Je pense que là, c'est pas une question de thème, c'est une question de... d'avoir de quoi à mettre. C'est ça, de public à... Donc, je vais regarder le chandail, parce que c'est dur de deviner. Oh, il est rouge! Oh, j'aime ça. C'est rare que j'ai des chandails rouges. Ça fait différent. Oh, qui a l'air beau, hein? Ah, mon Dieu, je suis curieux. What is it? C'est quoi ça? C'est un A, une perluette avec un dragon? Oui, c'est un dragon, mais... A dragon end? Mais ça vient de où, ça? J'en ai aucune maudite idée. On va faire des recherches. On n'est-tu pas assez geek, hein? Ouais, il y a un petit manque flagrant ici. Ouais, cherche, c'est ça, c'est un E. Ouais. Dragon. Il crache du feu. Mais ça fait un peu semi-tatou tribal. Ben ouais, c'est ça que j'aime un peu moins. Ça fait douchebag un peu, je trouve, un dragon tribal. Mais bon. Je vais chercher encore. Mais j'imagine qu'en sachant ce que ça représente, ça peut changer toute la vision qu'on a de ce chandail-là. Ça va sûrement être écrit dans le petit livret à la fin. Probablement. On va attendre. Moi, voilà. La chose que je trouve qui est importante dans ce chandail, c'est que j'aime, si quelqu'un me demande qu'est-ce qu'il représente, pouvoir répondre. Ben oui. Sinon, t'as l'air de quoi, genre? Ben, c'est Ed Hardy qui l'a écrit. As-tu écouté le match hier? La game, excuse-moi. La partie. Le jeu. La joute. La joute. Le sports ball. Hein? Hey, non, ça, c'est mon grand-père qui dit la joute. La joute de hockey? Ouais, ah. la joute du Canadien. Eh ben moi, c'est en joke, mais lui, ça devait être vrai. Ouais, mais c'est une autre génération. Exact. Donc, j'ai mis le chandail de côté parce que si jamais ça fait trop douchebag pour toi, je le porterai. OK, c'est bon. Moi, au pire, j'aurais l'air semi-douchebaguette, mais qui a pas l'air de ça. Non, plus t'as pas l'air de ça. Non, merci, t'es fine de me dire que j'ai pas l'air douchebaguette. Quoi qu'avec un petit peu de fromage, des petites noix et du miel. Il y en a plusieurs qui voudraient manger la baguette. Eh boy. Si tu mettais du fromage dessus. Ah, ok, c'est le fromage qui vendrait le... Ok. Donc, je touche pas ta baguette, là, mais dans la boîte. Ah, c'était... C'est mou. Ça a l'air semi-plastique, peut-être, comme portefeuille. C'est dur à dire, là. Mais tu sais, c'est mou, c'est petit, c'est carré. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à un portefeuille. Et, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait que ça se gonfle. Hein? C'est de couleur dorée. Peut-être bronze, entre le bronze et le doré. Je vois quelque chose qui ressemble à une étoile. Donc, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du bricolage? Une couronne? C'est quelque chose pour la piscine, non? C'est une couronne! Une couronne gonflable de Burger King? Je sais pas, c'est... Dans quoi qu'il y a des couronnes? Ben, je sais pas. Est-ce que je peux gonfler? Oui, gonfle. Moi, je pense qu'on aurait dû sortir le livre à l'avance. Hey, dans le micro magique, le gonflage. Tu sais, allô, pour une fois qu'on a un soutien auditif. Super auditif. Wow. Elle a pas l'air de gonfler tant que ça. Elle vient de perdre la moitié de sa poitrine en soufflant. Si seulement ça avait été mes fesses. Une couronne gonflable, l'utilité de ça, je sais pas, ça a-tu un rapport avec Game of Thrones? Est-ce quelque chose de rapport avec le roi? J'en ai aucune maudite idée. Mais si je trouve ça vraiment cool. C'est affreusement laid. Non, mais moi je trippe vraiment beaucoup. Peux-tu l'avoir? Ben oui, puis je vais te prendre en photo avec. Tiens, genre. Certainement. T'as peu, je cherche la Gazwin. Ouais, on cherche toujours la Gazwin. Je vais enlever mes écouteurs pour la photo. Ouais. Attention, photo en direct à la radio. Photo royale. Et... Je t'en prends plusieurs, c'est fait. Voilà. Super, on va mettre ça sur la page Facebook d'assemblagerequite.com à la fin de l'émission, probablement en matinée. On va prendre chaque article en photo. Continuons avec un autre item, article de la Loot Crate. Mm-hmm. Et on vous rappelle en même temps, soit dit en passant, que item, ça se dit pas en français, faites attention, OK? Et jusqu'à présent, on n'a aucune idée de ce qu'on a. Aucune idée de ce que c'est supposé représenter. Une couronne gonflable, c'est n'importe quoi. Là, une croix gonflable. j'ai tellement aucune idée. Tu sais, c'est dans un emballage de plastique, c'est dur à dire. Sors-moi ça. Oh! Est-ce... Oh, c'est un nœud papillon! Avec quoi dessus? Il est rouge en passant, un nœud papillon rouge. Oui, un nœud papillon rouge. On dirait un dé de Donjon Dragon. Ben voyons donc, toi. Avec des petits dragons dessus, ben, si je me trompe pas. Ça. C'est vraiment cool. Eh ben, je vais avoir une cravate puis un nœud papillon, j'ai bien l'impression. Tu vas être chic. Wow. Ben, j'aime ça. Je pense que c'est la même compagnie, en fait, ouais. Le même logo que ta cravate. Black Geek, exactement. Et ce qui est le fun, c'est qu'en plus, t'as pas à faire le nœud derrière ton cou comme un nœud papillon normal. Non, c'est ça. Ben, en fait, le nœud papillon normal, faut que tu fasses le nœud papillon. Oui, ça, évidemment. Mais c'est attaché avec un petit clip. C'est ça, c'est ajustable à ton cou. Donc, je te dirais, mets-la tout de suite et prends-toi en photo. Fais-toi un selfie de nœud papillon. Tu vas me faire un selfie de nœud papillon, ça te tente-tu? Tu veux que je te selfie? Ça peut. Je te prépare ça, là. Ça va être parfait pour toi. Tiens. Ah, parce que tu penses que, bien sûr, dans un iPhone, je ne sais pas où aller pour avoir l'appareil photo. Ben, voyons donc, un iPod Touch puis un iPhone de 6 pouces. C'est pas de ma femme. OK, donc, je place ça, j'imagine, derrière. Donc, on va voir si c'est simple, si t'es capable de l'attacher toi-même tout de suite. Je vois pas. Faudrait-tu mettre la couronne avec, en plus? C'est sûr, tu pourrais pas mettre ce nœud papillon-là avec ton t-shirt. Ça fait double dragon rouge sur rouge. Double dragon, qui est une série de jeux vidéo. Fait que... Hein? je vais me la tirer par en arrière pour qu'elle soit un petit peu plus collée. Moi, parce qu'elle est pas ajustée. Mais enlève ton bras. C'est pas super beau. T'as l'air d'une princesse. Voilà. Génial. Les photos en ondes, là, magnifique. On en fait pas assez. On en fait pas assez. C'est vrai qu'on n'en fait pas assez. On va en profiter des deux dernières journées. Les médias visuels à la radio. Là, c'est le macaron représentatif de la... La boîte. C'est ça, de la thématique. Donc, toujours avec le petit contour orangé. À l'intérieur, c'est une carte avec un gros X, avec une tour. Ça reste un macaron. Personne ne va jamais le porter. Non, d'habitude, tu mets ça sur un sac, sac à dos, une sacoche. Oh! Un jeu de cartes. Ça c'est classique à Loot Crate aussi. Il y a toujours quelque chose de... Un jeu geek à quelque part là-dedans. Que ce soit des Cards Against Humanity, que ce soit des... D'une autre sorte ou une autre compagnie. Oh, mais là, ça sent... Oh mon Dieu! Est-ce que c'est pas le truc le plus capitaine que t'as vu de ta vie? Hey, j'ai parlé de la princesse Bouton d'Or à l'émission hier, Steph. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et le lendemain, on reçoit un jeu de cartes avec The Princess Bride dessus. C'est quand même un drôle de hasard. C'est vraiment très drôle. Je suis très curieux, je veux l'ouvrir, mais c'est extrêmement quétaine. Ah, c'est là. On dit, le design fait vraiment très harlequin. Oui, et si vous avez vu The Princess Bride, ça a l'air d'être un film comme ça, alors que ça n'en est pas besoin du tout. Donc, le jeu de cartes devrait pas être comme ça. Non, ça devrait être humoristique à souhait. Là. C'est Rob Reiner qui a fait The Princess Bride, c'est un gars d'humour éclaté. Donc, je sais pas si c'est seulement les cartes avec des dessins ou... Donc, on regarde à l'intérieur. Il y a des personnages. Est-ce que c'est un jeu à la... genre avec des pouvoirs et des... C'est un jeu de cartes. Ah, cool. De cartes-cartes, là. Donc, on a le Joker qui est un personnage que je ne connais pas, on dirait Odor, mais avec des cheveux. Je pense que tu ne connais pas en général. Fait que tu vas sûrement dire à chaque fois. Un gros rat. Oui. Et... regarde si c'est beau. Ah, les symboles ont des dessins dessus. Ah, le roi, c'est d'autres personnages que je ne connais pas. Oui, ben oui, c'est ça. Donc, les figures, c'est des personnages, là. Du film. Anybody want a peanut? Non, j'imagine. C'est des citations du film. C'est ça, donc il faudrait que je l'aie vu. Faudrait vraiment, en effet, que tu l'aies vu. J'ai le DVD quelque part, je crois. À moins que je l'ai déjà passé à quelqu'un d'autre, parce que c'est pas la première fois que je recommande ce film-là. Tu me l'emprunteras, si tu veux. Et donc, j'imagine que... Est-ce que tu joues aux cartes? Ça m'arrive. Mais écoute, je pense que c'est plus pour toi. Ouais. Écoute, étant donné que t'es déjà fan du film. Merci. Et soyez-le, vous aussi, fan du film. C'est dit. Parfait. Donc, je replonge la main seulement dans la boîte. qu'est-ce que c'est ça? On dirait un jeu de cartes miniature. Il y a quand même pas mal d'affaires dans cette boîte-là. Oui, quand même. C'est une petite mini-boîte dans le format jeu de cartes, mais... La forme d'un jeu de cartes, mais en beaucoup plus petit. Okay. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi. Et, oh, Game of Thrones, j'ai aucune idée c'est Steph, quoi. Steph, c'est pour toi, ça. C'est une clé USB. Steph. Game of Thrones. Ah, il y a sûrement des affaires dessus, le full sophistiqué. Ah, oh, c'est beau. Oh, mon Dieu, est en forme la tête du Dire Wolf, qui est le symbole de la famille Stark. Wow, tu connais ça. Je capote ben raide. C'est comme le truc le plus malade mental que j'ai vu de ma vie. Photo! Attention! C'est fait! Wow, génial. Ça vient dans une magnifique petite boîte avec les logos, tous les logos de famille de Game of Thrones. Ça, je capote. Hey, cool. Avec ma couronne, là. T'es parti pour la gloire. Je vais être sans sas. Ensuite, je retouche dans la boîte. C'est grand. Ça prend, je te dirais, plus que toute la largeur de la boîte. Oh mon Dieu. On dirait une forme vide. Une forme vide. C'est genre un pochoir. Ouais, ouais. Ah, de l'autre côté, c'est-tu un cadre? On dirait un cadre. Non, pas en tout. C'est quoi ça? C'est encore une barre de C'est un bag tag de la plateforme 9 et 3 quarts d'Harry Potter. Ah, wow. C'est très cool. Mais Donc, tu mets ça sur un sac de voyage. Ah, mais là, fallait choisir entre le sud et la boîte geek. Donc là, on est prêt pour le sud. On a notre... bag tag pour aller dans le sud, mais on n'a plus les moyens d'y aller. Non, désolé. Donc, moi, je suis curieux, je veux l'ouvrir, je veux voir si en arrière il y a quelque chose. Donc, oui, exactement, c'est en caoutchouc. Et à l'arrière, tu peux mettre toutes tes informations, donc ton adresse, ton numéro de téléphone, si jamais tu perds ton sac. C'est une très bonne idée. C'est vraiment très, très, très cool. Tu fais ça si tu veux. Ben écoute, je suis probablement plus fan d'Harry Potter que toi. Oui, tu l'es. Est-ce que tu as lu les livres? Non, j'ai juste vu les films, j'ai vraiment aimé. Les films? Je suis intéressé par l'achat des livres. Ça va venir. Tu devrais, honnêtement. Moi, les tu sais, je veux dire, les films, je les ai trouvés bons, mais sans plus. Ouais, il coûte trop d'affaires. C'est ça, c'est tellement une œuvre complète que je conseille très fortement les livres. Ouais. Si tu veux, je peux te prêter. Hey, tu me prêteras ton film. Ils sont en français. Ah ouais, toi tu voulais lire en anglais, bon, je comprends. Mais c'est une des traductions qui a été le plus louangée. Tout à fait, tout à fait. Ah, j'allais dire c'est peut-être une BD, mais je trouve ça trop solide pour une BD. Solide! On dirait un gros carton de je sais pas trop quoi. OK. Voilà. Oh non, c'est pas vrai! Ben voyons donc, Steph, là! C'est des fridge magnets de Game of Thrones. Hey, c'est ta boîte, moi aussi, Fantasy. C'est vraiment ta boîte. Oh, là. Qui l'aurait cru que ça rend... Ben, c'est tellement semi-fantasy, fantasy réaliste, juste parce qu'il y a des dragons. Ben, c'est ça. Moi, je trouve ça très fantastique, en effet. Mais j'aime pas le fantastique en général. Ouais. Alors que j'adore Game of Thrones. Mais c'est quoi un exemple de fantastique, mettons, que t'aimes pas, mettons? Le Seigneur des Anneaux. Ah, OK, je comprends, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Fait que c'est beaucoup plus... épique et tout. Ouais, ouais, ouais, moi, c'est ça. Ouais, moi, j'aime pas l'épique du tout. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte? Hey, on va prendre une photo de ça aussi. Ah, ben oui, excuse-moi. Je suivais pas. Là. De toute façon, je pense qu'il reste juste le petit livret. C'est fait. Donc, j'ai quand même hâte de voir l'intérieur de la boîte. Donc, moi, je vais aller voir l'intérieur de la boîte en premier. On rappelle qu'on peut défaire la boîte en morceaux et la remettre de l'autre sens pour faire quelque chose de particulier à chaque fois. Il y a une carte. J'ai l'impression que c'est une carte d'un pays fantastique. Avec, comment on appelle ça? Une armoirie, ça? C'est ça, exactement. Une armoirie de je sais pas quoi. Donc, il faudrait vraiment la virer de bord. OK. Génial. Encore une fois, les photos sont sur assemblagerequis.com à partir de juste après la chronique. Ouais, ça a l'air d'être une carte, sûrement peut-être une carte d'un pays à la Game of Thrones, un genre de Westeros, quelque chose comme ça. On ne sait pas. Voilà. Donc, moi, je veux fouiller dans le petit livret pour essayer de comprendre que représente la couronne ainsi que le T-shirt. Donc, je fouille. OK, le T-shirt... Donjon Dragon, c'est pour ça qu'on connaît pas ça. Ah ben voilà, on le connaîtra jamais. Donc, non plus. Donc Wizards of the Coast, Loot Crate Lab. Donc Donjon Dragon, je sais pas si tu veux lire le reste. Ça c'est fantastique pas mal, c'est du fantastique le Donjon Dragon, non? Parce que c'est dans la définition du mot fantastique. Oui. Ouais, okay, ouais. J'essaie de voir la ligne est où entre fantastique et d'autres choses. Oui, très très fantastique. Et si je me trompe pas, la couronne c'est juste une couronne. C'est en effet juste une couronne gonflable. Qui n'a pas déjà fantasmé devenir roi ou reine pour une journée? Seriez-vous un gentil monarque? Monarque? Ou encore un méchant dictateur? Voilà, donc nous vous laisserons décider. Avec quelques souffles pour la gonfler, vous serez prêt à être maître de votre royaume. Voilà. Ah, et t'as vu que cool. La couronne et le nœud papillon sont supposés aller ensemble dans l'ensemble, ici où l'homme est à moitié cheval et moitié humain. Ben... on va séparer l'ensemble, faut croire, hein? Pour toi, est-ce que tu veux la couronne? Je suis sûr qu'elle te rentre même pas sa tête. Non, merci, je te dirais. Mais je pourrais, je suis certaine qu'elle te fait pas, parce que moi, elle faisait très, très juste. Non, t'as une grosse tête enflée. Une grosse tête enflée. Hey, c'est super. Donc, Loot Crate qu'on retrouve sur lootcrate.com. Assurez-vous de cliquer sur Canada dès le départ. On vous demande environ 30$ canadiens pour un mois. Frais d'envoi inclus, frais de paiement et manutention. Trois mois, c'est 28$ par mois. Ensuite, on baisse à 27$ par mois pour six mois. Mm-hmm. Et un an à 26$ par mois avec un cadeau bonus. C'est le chandail de Loot Crate qu'on vous offre. Cool. Si vous le prenez pour un an, mais ça commence à être assez cher. Le prix total, 312$ par année. Ouais, mais tu sais, quand t'es riche. Quand t'es riche, c'est ça. Mais c'est un petit parti plaisir à avoir, juste pour se gâter une fois de temps en temps. T'as environ 40$ ou plus de valeur par boîte pour 30$ canadien. Oui, oui, ça procure beaucoup de bonheur. Et si vous vous inscrivez, bon, la pub, ça va faire, mais si vous vous inscrivez, vous avez la chance de gagner une méga boîte de 2000$ et plus de valeur. Pourquoi qu'on la gagne pas, donc? Je sais pas, peut-être parce qu'on a déjà annulé notre renouvellement d'abonnement après le quatrième mois. Ça aurait été le fun. Ouais, ben on a encore des chances, là. Bon. Vous avez encore 20 jours pour la boîte du mois de mai, si jamais ça vous intéresse. Et vous pouvez acheter les boîtes du passé dont on parle. Si, mettons, vous aimez la boîte en ce moment, le mois prochain, elle va être disponible en boîte dans Past Crates. Arabais, si je me trompe pas. Arabais, en effet. Et est-ce que tu peux nous dire la thématique du mois de mai? Ou là, du mois d'avril? Là, on est du mois d'avril. Là, c'était le mois d'avril, en effet. Le mois de mai... Est-ce qu'on sait déjà la thématique? Attends un petit peu. Je crois que j'ai reçu un courriel à ce sujet-là. Mais sur le site. On s'entend-tu que idéalement, faudrait pas qu'on regarde non. contenu de la boîte du mois de mai parce qu'on pourrait être insulté de pas avoir renouvelé notre abonnement. C'est le genre de truc qui peut rapidement devenir de l'obsession. Ouais, et le thème du mois de mai est Unite et l'imagerie est un peu un super-héros. C'est quand même joli. Ah? Truc de super-héros. Donc Unite, ça parle entre autres d'exclusivité. Ah, c'est parce qu'ils vont vraiment dans les détails. Mais le thème du mois de mai est Unite. Donc que ce soit des robots en forme d'animaux ou peu importe. Donc c'est une boîte épique avec entre autres des exclusivités de Marvel's Avengers, Power Rangers, Team Fortress 2, Bravest Warriors, Rick and Morty et plus de... En fait, en plus d'un t-shirt sous licence, voilà. J'ai le goût de pleurer. Ouais, je sais. Et en plus, si on y va, pas par abonnement, mais seulement un à la fois, on peut utiliser le code NEWS3 pour avoir 3$ de rabais sur un abonnement. Ah! C'est cool, hein? Ouais. Donc voilà pour Loot Crate, lootcrate.com, et vous n'entendrez plus parler de ça dorénavant. C'est comme ça. C'est terminé pour nous. On a assez de données. On prend une pause. Au retour, Assemblage Requis continue avec une ribambelle de gadgets, encore une fois, mais pas une Loot Crate, à se procurer sur Internet tant qu'à dépenser de l'argent cette fin de session. Hein? C'est de retour, et après ça, Frédéric Bernard et Crackpot TV à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Restez là. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On se mercredi 29 avril. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On est en train de se chicaner sur qu'est-ce qu'un douchebag ou pas. Où est la ligne entre un douchebag et un wannabe de d'autres choses? Comme où est la ligne entre le fantastique et... la science-fiction. Tout le reste. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on Non, entre science-fiction et fantastique... C'est clair, ouais. C'est clair. Mais Game of Thrones, est-ce vraiment fantastique? Mm-hmm. Moi, je trouve que c'est plus style... Mais médiéval avec une touche de fantastique, mais qui tire sur le réaliste. Ouais. Je comprends, mais en même temps, c'est un peu comme les étiquettes pour la musique ou n'importe quoi d'autre. T'es pas pour en avoir un million, il faut qu'à un moment donné, tu mettes ça dans un tiroir. C'est bien ça, plate, c'est ça. Ben c'est plate. Ça. Alors qu'il y a tellement de nuances. Ben oui. Au moins 50. Exact. Au moins 50 nuances, c'est drôle. Non, pas tout. Bref, c'est ça. Moi, quand je vois quelqu'un avec des lunettes de geek et qui est douchebag, puis tu sais, moi, ça m'insulte. T'sais. Ça fait que tu veux pas mettre un chandail de douchebag pour insulter les douchebags? Ben c'est ça, tu sais, je vais le faire avec eux autres pareil, parce que je les respecte. Je veux pas deux autres dans mon groupe d'amis, mais je les respecte. Faudrait te mettre un petit tag à côté, Donjon Dragon. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est bon. S'il y avait mis un logo Donjon Dragon sur le dos ou sur la manche, juste pour clarifier, tu sais. Ouais, peut-être. Ça n'était pas bien. Bref. Ou à chaque personne que tu croises. Non, c'est Donjon Dragon. Ouais. D&D, dude. D&D. Dans quelques instants, plus de gadgets ridicules à trouver sur Internet, mais avant ça, on s'entend une pièce des incendiaires. Voici Pink Venus. Sourcez-vous. Dans vos oreilles. On sort jamais de ce fond-là, puis je l'aime bien. Je vais vraiment servir. Les incendiaires et Pink Venus à Assemblage Rocky. On dirait que je me... Ah ouais? Ça me... Ouais, c'est ça, comme on dit, tu sais. Ça me rappelait rien, sûrement parce qu'on l'a pas fait jouer tant souvent que ça. Je me rappelais pas qu'elle sonnait aussi bien que ça. C'est ben une ouais, très bonne question. C'est sûrement... C'était pas mauvais. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Orange O'Clock avec Can't Fight the Feeling. Qu'on a entendu. C'est pour ça que ça sonnait pas comme Pink Venus. Ah, mais là, moi, faut que je l'écrive à la main, là. Ah, ben là, franchement. Ma feuille va être toute cochonnée. Ah, oh, faut que tu fasses un propre après. T'es pas du genre à garder ton brouillon jusqu'à la fin, hein. Non, non, non. Je sais pas. Je te dirais, deux émissions de la fin, j'hésite entre le déni et le toc. En effet, je te comprends. Puis aussi, t'auras pas à la garder, cette feuille-là. Fait que pourquoi est-ce que tu voudrais faire un propre pour toi-même? C'est ça, c'est pas pour moi. Je te comprends là-dessus. Voilà, donc, on disait tantôt que le budget, en tout cas, nous, l'été, va être un petit peu plus serré. Il va falloir se limiter un petit peu. C'est pas grave, le crédit, il y en a tout le temps. Donc, on va choisir avec parcimonie nos gadgets dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets inutiles à se procurer sur les différents internets. Commençons avec un étui de téléphone cellulaire pour iPhone, en fait. De Retour vers le futur, ça dit DeLorean Time Machine. Oh! Vous avez peut-être vu passer sur Internet un étui pour iPhone Batmobile. Eh bien, Bandai est de retour avec un autre étui, cette fois-ci de la DeLorean, juste à temps pour le futur de Back to the Future 2. L'étui qui va s'allumer quand on reçoit un appel. Il y a différents ports pour accéder à différents boutons et aussi créer une ouverture pour la caméra. Donc ça veut dire que votre téléphone va rester fonctionnel tout en pouvant dire au monde que vous avez un DeLorean comme téléphone cellulaire. C'est cool. 50$ pour cet étui-là qui fait des petites lumières. C'est pas mal assez, ça. Mais c'est super beau! C'est qu'il est en forme de voiture. Ton téléphone est juste le dessous de la voiture. Le reste est en 3D. Là. Oui, c'est ça. C'est pas juste un petit dessin, là. Absolument pas. Les roues sont sur les côtés. Sont flippés de 90 degrés, genre. C'est vraiment bien. Et les portes qui s'ouvrent pour avoir les ports, par exemple, bon, tu peux ouvrir une partie du capot pour atteindre la caméra. Tu ouvres une roue pour avoir accès au bouton power, etc., etc. C'est vraiment bien fait. Bandai derrière ce gadget. Ensuite, c'est des boules de cristal, d'accord, qui vous permettent de faire votre lavage sans détersif. Ça a l'air un peu louche, on dirait une Death Star ou autre planète méchante dans Star Wars, genre. Ouais. C'est des pilules, genre des petites pilules de biocéramique à l'intérieur de ces balles de plastique-là. Et ça va changer le pH de l'eau à 8,5 plus, de plus, de 8,5, je sais pas comment ça marche le pH. C'est marqué « Change the pH of the water to 8.5 and above », donc à plus de 8,5. Ce qui crée une eau alcaline qui est capable de laver vos vêtements sales sans avoir besoin de produits chimiques. Vous allez pouvoir le faire pendant 1000 cycles. Je sais pas s'il faut faire des petites barres sur le mur, 1000 cycles, genre 1, 2, 3, 4 barres, 1, 2, 3, 4 barres, comme en prison. Sur ta laveuse en arrière, tu peux gratter. Genre, c'est ça, c'est un petit un scratch and sniff, ça, c'est ridicule. Mais j'imagine que 1000 cycles, je pense que l'idéal, c'est de faire une moyenne par semaine. Oui. Et là, tu vois à peu près quelle date tu l'as eu, puis tu sais à un moment donné quand t'en débarrasser. Tu mets un reminder dans iCloud, là, puis. Ouais, c'est ça. Donc, les palettes vont aussi créer du peroxyde d'hydrogène qui va tuer les bactéries et se débarrasser des odeurs. Tout ça sans irriter votre peau, ou en relâchant des polluants dans l'environnement, ou encore en risquant de rendre vos couleurs fades. La seule attrape, c'est que les balles doivent être rechargées à chaque 30 cycles de lavage et être mises à l'extérieur au soleil pendant une journée. Donc, utilisable seulement, quoi, 2 mois et demi au Québec, genre? Genre, Crystal Wash 2.0 qui contient un module Bluetooth va vous rappeler lorsque c'est le moment d'échanger. Ah ben, Colin, ça change ma vie, ça. Ça change la scène aussi. Ah ben là, ah, c'est, ça change. Certainement. Ah, il y a un sensor de pH aussi qui va vous dire l'alcalinité de votre eau pendant un cycle. Il y a aussi d'autres statistiques disponibles par le sensor, dont les alertes de lavage complété, les statistiques de tracking de vos cycles de lavage, des graphiques, des compteurs, du partage social. Ben oui, hein. Ça va pomper quelqu'un pour dire que tu as fait ton lavage, c'est quoi là? N'importe quoi. Tracker aussi d'économie. J'imagine d'argent, de savon que tu aurais dépensé. Donc, une version nouvelle de faire le lavage. Si ça fonctionne comme on le dit, ça pourrait être quand même bien. 75$ sur Internet, 100$ pour 2 balles. Et puis, c'est ça. Donc, ça va se vendre en magasin. 60$, c'est sur Kickstarter. Le lien est sur assemblagehockey.com. Je trouve ça très bien parce que 60$ sauve beaucoup de sous pour. À long terme, là. Oui, c'est genre, je sais pas, avec l'électricité, je peux même pas dire combien ça serait de temps, probablement 3-4 mois, genre, de, même pas 2-3 mois, genre. Quoi, l'électricité? Ouais, c'est ça, j'avoue que tu te sers quand même l'électricité. Tu te sers quand même de ta laveuse. C'est juste le savon, donc quoi, le savon, c'est quoi, 10$ par... 160 brassées, si tu prends du concentré, peut-être? Ouais, genre. Fait que... Fais-moi la peine. Bon. Ouais, attends, c'était pour 1000 lavages? Ah, tu m'as perdu depuis quelques calculs. Ben, peut-être pas tant que ça, finalement. Dépendamment de ton détergent, mais ça reste beaucoup plus écologique. Oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, c'est une bouteille qu'on appelle un peu la nouvelle lava lamp. C'est des ferrofluides dans une bouteille, du liquide magnétique, donc coloré. On peut choisir de mettre sur son bureau à peu près n'importe quoi comme décoration, mais ça, ça pourrait être quelque chose d'original qui va faire parler. Hein? Donc, les colorful ferrofluid in a bottle. Le ferrofluide, c'est un liquide épais qui, lorsque mélangé avec des particules de fer, nanoscale iron particles, ça se mélange pas avec l'eau et ça a tendance à prendre ensemble. Mais en présence d'un aimant, le liquide prend vie. Vous allez donc pouvoir amuser vous-même et vos invités pendant au moins 30 secondes avec le liquide qui va prendre. Ça, moi je passe des heures à jouer avec ça. Hypnotisé un peu par la beauté de la chose, hein. Je suis tellement facilement omnibilé par de tels objets. Imagine ton chat, hein? Donc, non, elle est trop nounoune pour comprendre quoi que ce soit. Faut aussi, nous dit-on, doubler votre plaisir en utilisant deux aimants. Parce que c'est l'aimant que vous allez vous-même fournir qui va faire les formes dans le bocal. Et ça coûte 60$ pour ce jouet-là. Quand même cher, mais pas si pire, sur vet19.com. Mais j'imagine que la durée de vie est beaucoup plus longue que celle des véritables lavalampes. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on s'entend, à un moment donné, à force de fondre et de refiger la cire, ça faisait juste une espèce de gros bloc pas beau, puis ça fondait plus vraiment, puis ça brouillait le contenu de la lampe. Ouais. Donc, t'avais pas tant le contrôle que ça, à part juste brasser un peu la chose. Faut pas le brasser. Je pensais que tu vas au moins faire un mouvement de va-et-vient. Mais non, le brasser, tu vas justement séparer la cire avec le liquide à l'intérieur, donc tu vas totalement brouiller ta lampe. Ah ben, Colin! Donc, allez voir ça, c'est Colorful Ferro Fluid. Ensuite, c'est un brasseur d'œufs, mais pour le brasser à l'intérieur de l'œuf, pour faire des œufs. Les œufs brouillés. OK? Œufs brouillés, mais pour brouiller l'œuf à l'intérieur de l'œuf. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est le goût de... C'est comme un œuf cuit dur brouillé? Ben, un peu. Ça s'appelle le Golden Goose in Egg Scrambler, OK? Donc, c'est un gadget de cuisine qui va se faire tourner un œuf normal jusqu'à ce que ça ait complètement brouillé le jaune à l'intérieur de la coquille. Vous insérez l'œuf dans le petit appareil, vous barrez les deux anneaux et vous utilisez les poignées pour vraiment tirer dessus. Là, c'est la technique. Je ne sais même pas c'est quel genre de technique. C'est un peu comme un brasseur à salade dans sa technique, je trouve, en tirant la corde puis ça fait tourner le truc dans le milieu. Je sais pas, j'essaie de regarder la vidéo, là, mais il monte rien. Ok. Donc, c'est ça. Une fois brouillé, vous pouvez faire soit un œuf cuit dur ou un œuf normal. Donc, l'œuf cuit dur, c'est pour un vrai golden egg. C'est le mot qu'on utilise pour ça. Vous pouvez faire des deviled eggs. Je sais pas c'est quoi en français, deviled eggs, des œufs. Ou sinon le faire craquer directement dans votre poêle sans avoir besoin de pré-fouetter. Ça fait aussi des œufs de Pâques colorés pour les enfants. Mais non, mais imagine, tu sais, souvent il y en a que le jaune cuit ils vont pas aimer ça. Ouais. Alors que là, tu peux le mélanger avec ton blanc, donc déjà à l'avance, dans un œuf cuit dur, c'est malade. Mais je comprends, mais les gens qui aiment pas les jaunes d'œufs, là, pis qui demandent des œufs tournés, là, essayez-le juste pour le faire, un œuf miroir. C'est tellement les meilleurs œufs, à mon avis, c'est la meilleure façon de faire des œufs miroirs. C'est le truc le plus dégueulasse au monde, t'as la moitié de l'œuf qui est pas cuit. Pour vrai. Ah, moi, je trouve ça génial, génial. Non. Allez. Ensuite de ça, c'est le Candy Craft Pen qui permet de dessiner du chocolat. Est-ce qu'on l'a déjà fait celui-là? Je crois que peut-être que oui. Mais quand même, ça doit faire longtemps. Là, c'est le Candy Craft Chocolate Pen par Skyrocket Toys. Un stylo, un crayon qui est à la place d'utiliser de l'encre, qui utilise du chocolat. Donc vous pouvez littéralement manger vos mots en dessinant sur des cupcakes, sur des gâteaux, faire du glaçage avec une écriture. C'est plus facile que d'utiliser le distributeur à. Je suis certaine que tu peux faire aussi du body painting. Probablement, oui. Ouais, ton amant. Candy Craft. Non, j'allais faire un jeu de mots de Candy Craft Pen. Tu vas utiliser ton pen sur le le pen. Ouais, on passe à autre chose. Ensuite, c'est des chaises de bureau. Là, on dit de bureau. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas utiliser ça ailleurs. Là, ben, c'est des chaises de bureau, un peu comme des balançoires, qui sont vraiment, vraiment cool. Donc, c'est un design de Duffy London. C'est les King Arthur Round Swing Tables. T'aimes pas? Non, je pensais que t'allais dire Daffy Duck. Ah, ben non. Donc, c'est une table pour 8 à 12 personnes équipée de balançoires d'acier. Parfait pour votre enfant intérieur. 16 000$ pour se procurer ça. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Mais c'est laid. Ils sont même pas pareils, en plus, les chaises. Ouais, il y a différentes manières, différentes couleurs, différents modèles. Donc, c'est ça, c'est les gens, aussitôt que ça s'assoit dedans, vont instantanément s'ouvrir un peu, parce que leur posture va changer, ils vont commencer à sourire, c'est ce qu'on nous dit, donc c'est pour ça que ça vaut le 16 000$. Bullshit. C'est pas aussi, si vous allez trop fort, vous donner un petit mal d'estomac. Voilà. Bon, il y a 16 000 $ pour ces chaises de bureau. Ensuite, c'est Linknotize, un jeu de mots avec Hypnotize. Bien sûr, c'est un jeu de cartes qui teste vos habiletés sur Wikipédia par rapport à des choses qui n'ont pas de lien. Donc, c'est un peu le jeu de 7 degrés de Kevin Bacon. 6 degrés? 6 degrés. Hein. Je sais pas combien de degrés. Il me semble que c'est 6 degrés de Kevin Bacon. Mais moi, d'habitude, mon bacon, je le fais cuire une crampe. 6 minutes de Kevin Bacon? Non. Et ensuite, on revient d'abord. Donc, les jeux de société, les jeux de cartes, hein? On aime tout ça. Linknotize, ben oui, c'est un jeu de cartes qui vous demande d'utiliser votre téléphone ou votre tablette pour lier ensemble deux sujets qui ne sont pas reliés. Bref, de réussir à les connecter. Simplement, c'est un long A. Simplement dit, vous roulez les dés, vous sélectionnez deux sujets, vous partez le minuteur à 3 minutes et vous cliquez sur Wikipédia. C'est donc pareil comme 6 degrés de séparation. La théorie, c'est que tout est à moins de 6. En fait, 6 ou moins pas du point d'origine au point d'arrivée. Et c'est à vous de connecter les points avec le moins de points possible. Par exemple, comment connecter Tom Brady, joueur de football, à Bill Gates? OK. Est-ce que tu veux t'essayer avec Wikipédia? Tu veux que j'essaye? Es-tu capable? C'est très dur. Ouais. Parce que tu peux tellement juste te perdre puis ben jamais te rendre au point. Et te coucher à 3h du matin, c'est Wikipédia, c'est à peu près ce que ça dit. Mais t'as 3 minutes, là. Ah, c'est pas 3h, tu peux. Non. Pas 3h du matin. Donc, Tom Brady est lié à la NFL, Ligue de football. Mm-hmm. Au Seattle Seahawks. Ouais. À Paul Allen, fondateur de Microsoft. Qui est, je crois qu'il est peut-être originaire de Seattle, peut-être. Peut-être, on va aller voir Seattle Seahawks, Paul Allen. Je crois qu'il en est maintenant propriétaire. Il a acheté l'équipe de Seattle en 1996. Okay. OK. Et ensuite donc lié à Microsoft parce que c'est un des membres fondateurs et ensuite à Bill Gates. Wow. Pas pire, hein? Ça fait quoi ça? Tom Brady à NFL, ça fait un lien. À Seattle Seahawks, 2. À Paul Allen, 3. À Bill Gates, 4. On peut le faire de plus en plus rapidement quand on s'habitue à chercher. Moi, je trouve qu'ils sont allés loin parce que tu pourrais juste dire que Tom Brady joue pour l'équipe qui appartient à Paul Allen. Ouais, mais il faut te rendre jusqu'à Bill Gates. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que tu pourrais sauter NFL puis tu pourrais sauter Seahawks de Seattle, non? Je sais pas comment. C'est parce qu'il faut que ce soit des liens cliquables sur Wikipédia. Ok. Ouais. Donc j'imagine qu'il va falloir cliquer. Ouais, ok. Sur la page de Tom Brady, tu peux pas cliquer Paul Allen, mettons. Ouais, exactement. Okay. C'est exactement ça. C'était okay, exactement ça. Tout compris. Donc mettons qu'on essaie de lier. Il y avait aussi un exemple Abraham Lincoln qui a été tué devant un cinéma, je crois, Broadway Theater. Hein? Ensuite, on continue. C'est ça. Ok. Non. C'est trop compliqué ça. Là. C'est un gif animé puis il est pas dans l'ordre. Il est dans l'ordre mais je sais pas où commencer. C'est pas vrai. C'est similaire à Game of Thrones, un autre jeu qui existe dans le genre. Linknotize coûte 24,99$ pour être un jeu idéal pour les gens qui aiment passer du temps sur Wikipédia. Mais c'est très cool. Vraiment. Ensuite, comment imprimer ses propres blocs Lego courbés? Le futur est arrivé, nous dit-on. Donc, on parle bien sûr d'impression 3D depuis des années, un peu partout. John Jurgen Zwar a amené donc les blocs Lego courbés en 3D au prochain niveau. Vous pouvez aller voir comment il a créé ça sur assemblagerequis.com. Il a fait une entrevue avec 3dprint.com. Il est inspiré par un design de Steve Medwin. Et sa compagnie Studio Zwarl imprime en 3D en utilisant le logiciel de SolidWorks depuis presque 20 ans, donc à l'avant-garde de tout ça. Vous pouvez télécharger les fichiers pour créer vous-même avec votre imprimante 3D. Vous pouvez télécharger les fichiers. C'est disponible sur assemblagerequis.com. Le lien est sur Thingiverse. C'est cool parce qu'il y a des trucs qui sont pas carrés dans la vie. C'est un bon point. C'est un fait. Ensuite, tu aimes les chats? Oui. T'aimes la couronne que t'as déballée et gonflée dans la loot crate précédemment? Oui. T'aimerais pouvoir remplacer ta couronne éventuellement par un chat? Donc, combiner tes deux passions pour les chats donc, et les couronnes. Un chat gonflable qui va sur la tête? Il est pas nécessairement gonflable, mais il va sur ta tête, en effet. En effet. J'aurais aimé qu'il soit gonflable pour avoir pour faire tous les liens avec ce qu'on a mentionné. Mais non, malheureusement, il n'est pas gonflable. C'est un bandeau du designer japonais Campanella qui donne l'impression que t'as un chat qui te hump, qui te zigne le derrière de la tête. Donc, c'est l'accessoire à avoir pour le printemps, bien sûr, et l'été, probablement. C'est le truc le plus laid que j'ai vu de ma vie. Il a pas l'air de zigner. Je trouve qu'il a l'air de te câliner avec les yeux beaucoup trop ouverts. Non, oublie ça, on dirait que t'as un chat mort sur la tête. C'est avec vrai. Aucun contenu à l'intérieur. De ta tête et pas du chat. Parce que je sais pas c'est quoi à l'intérieur. Il non, il a l'air vide à l'intérieur. Oui. On dirait juste comme un cadavre de chat mort. Il y a pas d'âme, c'est ça que tu veux dire. On lui a volé son âme. Sauvez mon âme. Ouais. Pas fan de Luc. Luc, de la Rochelière. Ensuite, il y en a que je me rappelle pas si j'en ai déjà parlé, parce que je lis ces articles-là sans cesse en les faisant pas, parce qu'on a jamais le temps d'en faire plus que je vais te le dire, s'il y a quelque chose. OK, la boîte My Retro Game Box. Est-ce ben, qu'on l'a écoute, fait? T'en as skippé un, donc je peux pas te le dire. Ça, je savais que j'avais déjà fait. Donc, My Retro Game Box, les boîtes, comme on a parlé tantôt, Loot Crate, c'est commun, c'est populaire en ce moment. Nerd Block, on a déjà parlé. Il y a aussi My Retro Game Box pour un frais par mois. L'équipe derrière ce service par abonnement-là va vous envoyer à votre porte une boîte avec vos critères prédéterminés. Par exemple, bon, des jeux favoris sur Mega Drive, des cartouches de Nintendo NES. Vous allez pouvoir recevoir une sélection au hasard de jeux et les garder à chaque mois. Donc, My Retro Box, qui a déjà la réponse à plusieurs questions. Ils ont déjà dit que si vous avez le droit de dire que vous voulez pas de jeux de sport, par exemple... quand même vraiment cool. Est-ce que tu peux sélectionner tes consoles? Oui, c'est okay. Ça, c'est ça. Et on dit aussi qu'il va y avoir des fois des petits porte-clés de collection et des autocollants dans la boîte. Wow! Une petite valeur ajoutée. Faut aussi, vous abonnez à 35$ par boîte. Et puis on a des choix pour les Européens PAL ou pour les consoles nord-américaines NTSC. Donc ça s'appelle My Retro Game Box sur myretrogamebox.com. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment cool. Là-dedans, sur la boîte qu'on voit en photo, t'as un jeu sur la NES, dégueu quelque chose. T'as un jeu de Sonic sur la Sega Mega Drive ou la Genesis ici. Et une cassette Double Dragon sur Game Boy. Il faut quand même que tu sois très, très ouvert côté jeu. Oui. Parce que tu sais jamais ce que tu vas avoir. Donc, il faut que tu aimes beaucoup de styles de jeu, selon moi. Là. Exact. Dans les commentaires de l'article, on dit peut-être que tu pourrais vendre certains de ces jeux-là. Après. Pour c'est peut-être sûr. Plus que le prix de la boîte. Peut-être. Fort probablement. Bien. Ensuite, c'est un meuble caché dans une boîte. Ça s'appelle Book Nature. Je sais pas si c'est le meilleur jeu de mots qu'on a trouvé dans la vie. Le Book Nature, c'est pas vraiment un jeu de mots. C'est juste deux mots mis ensemble qui ont pas vraiment rapport. C'est un mot valise. C'est un mot valise, en effet. Donc, des meubles cachés dans un livre. Ça se déplie d'un livre, bien sûr, pour devenir un meuble multifonctionnel. Vous n'allez jamais manquer de table, de siège. C'est créé par Mike Plateaus. C'est un projet sur Kickstarter. Ils ont 4000 backers pour 450 000$ pour aider à amener ce projet-là à la vie. Donc, grâce à votre patience, on dit qu'ils travaillent sur ramasser des matériaux pour pouvoir aller en production de masse dans 2 semaines. Donc, c'est ça. Est-ce que la petite vidéo est en haut ou en bas? Je crois qu'elle est en bas de la page. Pour aller trouver... Ah, je pense que j'étais sur la page campaign. La page update. Oui, la vidéo est là. Parfait. Girl video. Donc, c'est ça. C'est quand même cool. Je sais pas si toi, tu peux voir la vidéo de ton côté. Faudrait que je fasse mute, par exemple. Comment qu'on fait mute là-dessus? Ben, en théorie, tu devrais avoir un petit micro sur ton clavier que tu peux fermer. Je suis allé par l'icône dans la barre des tâches. Tu vois, c'est tout le temps plusieurs façons. Ben oui. Quand même. Donc, c'est ça. Le livre se défait et ça peut devenir un peu en forme d'étoile pour que les panneaux soient comme en étoile, tu sais. vertical, comme un banc. Et puis, tu peux poser ton portable dessus, etc. OK. Et donc, chaque livre, d'après moi, a l'air d'avoir sa propre fonctionnalité. Mais je suis pas convaincu. Je crois. Sur Kickstarter, le lien sur assemblage requis. Est-ce que c'est gros? C'est un petit livre, ça rentre dans une bibliothèque. C'est, on dit structure avancée d'origami. Et on peut mettre sur... dans le fond, il y a comme un petit truc de mousse, si on veut. Non, c'est un seul livre qui fait chaque affaire ici qu'on monte. C'est le même livre. Et donc, on met la petite plaquette de mousse dessus. Et on peut poser son portable, on peut poser ses pieds, s'en servir comme pouf, comme table de nuit, mettre son téléphone dessus. Il empile 2 livres étalés en étoiles, un par-dessus l'autre. Puis ça fait un banc plus haut. Le gars est assis dessus, joue du ukulélé. Ah oui, ça tient. Ça tient très bien. Même avec le ukulélé. Et le livre, après ça, une petite bandoulière d'élastique qu'on peut attacher après et le remettre dans la bibliothèque. C'est de la grandeur d'un livre normal. C'est très, très cool. Book Nature. Voilà. Bah, c'est intéressant. Ouais. Voilà, c'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Bon. Au retour, c'est Frédéric Bernard qu'on va accueillir pour une dernière fois cette session-ci avec Crackpot TV. Restez à l'écoute, Assemblage Requis revient dans 2 instants. diversité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce mercredi 29 avril 2015. Et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Maintenant, on accueille quelqu'un dont on s'ennuyait et dont on va s'ennuyer pour les prochains mois. C'est certain, ça va être triste de ne pas l'avoir parmi nous et de ne pas avoir de série à se mettre dans notre petit appareil qui tient notre contenu multimédia illégalement. voici Frédéric Bernard et Crackpot TV. TV avec Frédéric Bernard pour une dernière fois cette année scolaire 2014-15. Oui. Bonjour. Ben bonjour Mathieu. Eh oui, malheureusement, parce que toute bonne chose a une fin. Ouais. Hein? Alors, je termine aujourd'hui ma dernière chronique. Qui sait, peut-être je serai de retour. C'est ça, chronique, la dernière chronique pour l'instant. Oui, pour le moment. Le pour futur le moment. Rapproché, mettons, on sait pas, là. Oui, ça dépend de toi. Là. On va bien voir, ça dépend de bien des choses, je vais te dire. Donc, on parle de télé, on se suggère une émission, comment dire, un programme. Oui, c'est ça, ben concept, à chaque fois, je proposais une série télé à écouter à la maison, à découvrir une série télé qui était pas trop connue, qui était diffusée en ce moment. Alors, dans laquelle on peut embarquer. On peut embarquer, qu'on peut commencer. Si je regarde la liste, là, c'est des séries, pour la plupart, c'est des séries assez récentes. Quelques-unes de quand même connues, finalement, que j'en ai peut-être une, deux, j'en dénombre trois qui sont assez connues en tant que telles. Et des séries que, bon, évidemment, on peut commencer maintenant, qui sont pas rendues à 6-7 saisons, qui sont connues. Parce qu'il y a toujours une exception. Dans tout, il y a toujours une exception. Hey, cette semaine, c'est la dernière. Donc, est-ce que t'as une série ou un concept spécial à nous proposer? Je sais pas, moi, je suis vierge de toute idée. Ben, je me suis dit qu'on pourrait terminer ça avec un blitz. Un blitz! Fait que comme on a fait la dernière fois, c'était dans les alentours de Noël, on avait fait un... Ben non, c'était même pas dans les alentours. Je sais pas arriver encore. Non, c'était, c'était en janvier. Ben, oui, c'est ça. C'était pas plus proche de la semaine de relâche que ça. Ah, peut-être février. En tout cas, il me semble qu'il y avait pas de spécial. C'était les 4 derniers mois, ça, c'est sûr. C'est carnaval étudiant, soit ça qu'il y avait. Il y avait quelque chose de spécial. Chose, ouais. C'est tout le temps spécial, Assemblage requis en plus. Oui, tout le temps. Ouais. Surtout avec toi, Stéphane. Ah, merci. Toujours. Mais plus Stéphane. Il est têteux, ouais, vraiment. Oui, je veux revenir. Ah. Donc, le blitz, alors comme la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez comment on avait procédé, je nommais un peu les catégories, vous nommez les catégories, je vous faisais participer comme ça. C'est comme un gala. C'est ça, ça faisait comme un semblant de participation. Donc, en fait, j'ai 4 catégories. Alors, pour aller, alors une catégorie que j'ai récupérée pour la dernière fois, ceux qui ont écouté le blitz, c'est une catégorie qu'on n'avait pas pu faire, alors c'était les séries qui étaient mortes dans l'œuf. Ouais. Alors, les séries... Ah. C'était mon choix, ça, j'aurais aimé ça, mais... Commencer, qui ont pas... qui sont mortes, finalement... Au fil du temps, mais que c'est malheureux. Oui. J'ai les incontournables, mais je vais reprendre ça. J'ai les incontournables où j'ai mis en parenthèse les séries que je devrais voir. Alors, j'ai mis là-dedans des séries qui sont cultes, alors que plusieurs personnes considèrent que c'est des séries incontournables, mais que je n'ai pas vu encore, que je devrais voir. Tu te sens honteux un peu. Je me sens honteux. Ouais. C'est dans cette catégorie-là que je me sens honteux. mais je devrais les voir un jour sans problème. C'est sûr que je vais les voir avant que ça date. T'as toute la vie devant toi, t'as 12 ans. Mais oui, c'est ça exactement. Je suis avec une voix très, très grave et enrouée. Là. Ouais, j'ai une voix d'homme aujourd'hui. Ah, j'ai la voix enrouée. Ouais. Je m'en excuse. C'est quand même. Enrouée vers l'air, comment? Ouais, surtout pour la dernière. C'est un peu blatte de finir quand la voix enrouée. J'aurais pas la chance de me rattraper avec une belle voix. J'ai les séries commencées. Alors, des séries que j'ai commencées que je trouve qui ont beaucoup de potentiel en ce moment. Alors, des séries que j'ai commencées, que je n'ai pas terminées, que j'aurais pas pu parler à l'émission parce que. Bon, je l'ai pas terminé, puis j'ai pas de comment dire un Je peux pas avoir de retour sur ça parce que j'ai pas un recul. Voilà, c'est ça que je cherchais. Tu préfères compléter une série pour avoir un meilleur jugement. Oui, c'est normal, ça. Laisser un petit peu le temps aller, avoir un recul sur ça pour savoir, bon, c'est une série finalement qui a été si marquante que ça ou pas. C'est toujours bon d'avoir un recul. Il y a des séries que j'ai... Bon, comme je dis, c'est des séries qui sont pas terminées, mais qu'au moins, il y avait une saison qui avait déjà été faite pour les séries que je parlais. Là, ici, on est vraiment dans les toutes premières saisons de cette série-là. Même une que j'ai écoutée juste... J'ai même pas terminé le premier épisode. Ben tu vas dire à quel point j'ai pas de recul là. en dernier, ben j'ai les navets. Alors des séries que je considère que c'est des séries qui sont à écouter, à la différence des séries qui sont décevantes. Okay. Ben à la parce qu'il y avait les séries qui étaient décevantes et il y a les navets. Les séries décevantes, c'est des séries que on peut écouter, que c'est quand même il y a quelque chose à voir là-dedans. Ça va trouver son public, mais c'est décevant pour ce qui a été présenté, pour plusieurs. Je me rappelle qu'il y avait eu la grosse polémique où Steph m'était rentré dedans et avait fait un scandale. C'était sorti dans les journaux, tout ça. Sur Viking. J'ai terminé la troisième saison hier, puis mon Dieu que c'est bon. On n'en parlera pas. Donc, c'est un peu ça, les séries que je considère décevantes. Ouais. J'avais là-dedans, entre autres, aussi American Horror Story, que j'avais mis une saison, qui était la saison 3, que j'avais mis là-dedans. Ouais. Je n'ai pas écouté la saison 4 encore de American Horror Story. Les navets, c'est des séries que... Oh mon Dieu. Regret instantané de l'avoir écouté. C'est un regret, mais en même temps, ça peut être quasiment drôle de l'avoir écouté. Ouais, c'est pas ça, tellement mauvais que c'est bon. C'est là, ça, c'est une série qui se prend trop au sérieux, une série qui veut faire quelque chose, que c'est bric à brac. Bref, c'est une série que... Non, ça c'est catégorique, c'est pas bon. Ouais. OK, c'est pas bon. Par quoi on commence? Moi, je pense que le restant de la première chronique serait un bon début pour la deuxième. Oui, les morts dans l'œuf. Oui, morts dans l'œuf. Alors, les séries mortes dans l'œuf. Alors, on en avait parlé un petit peu après la série. Je vais commencer parce que tout le monde s'y attend, finalement. On en avait un peu parlé la dernière fois, hors onde, nous trois, Firefly. Ah oui! On est tous des fans de Firefly. Une autre série de Fox qui a duré 2 mois. Là. Mais oui, Fox en plus. C'est tellement bon. Quelle série qui va avoir mis un poignard dans le cœur de ses fans. Tellement. Quelle série avec un drôle de revirement des choses ensuite, parce que c'est une série qui a été diffusée, pas beaucoup de spectateurs, parce que pour dire qu'est-ce qui est arrivé avec cette série-là, il n'y avait pas assez d'auditoire. Fox a cette réputation-là de couper aussitôt, de couper la valve aussitôt que ça attire pas assez de monde. C'est une série qui visait, bon, à la même époque, on avait encore des Star Trek qui se diffusaient à la télé. Alors, c'était un peu le même public qu'on essayait d'aller chercher avec Firefly. Ça n'a malheureusement pas marché, mais il y a quand même un coffret qui est sorti. Et au miracle, il allait savoir par quel... Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Le coffret s'est hyper vendu. Ouais. Des fans ont demandé à ce que la série revienne. La série, ça faisait près d'un an qu'elle était pas encore, qu'elle était plus en onde finalement. On s'appelle que c'est 2002-2003 Firefly. C'est 2003, oui, c'est ça, Firefly. On est avec, je vais noter le réalisateur, je vais dire c'est Joss Whedon. Le même que Buffy contre les vampires, Angel, etc. Ouais, c'est ce qui est assez surprenant pour une série. Ben, c'est le réalisateur, c'est pas le réalisateur. C'est le réalisateur. Le créateur. Mais c'est très bien réalisé, on sent qu'il y a une expérience en arrière de ça. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience. Quand on regarde les acteurs qui sont dedans, on a je sais pas si t'as les acteurs je les ai pas notés. J'ai vraiment fait un court résumé de chaque série. Mais le principal, c'est Monsieur Castle, Nathan Fillion. Mais oui, ouais. qui tient très bien son rôle. On en a un là-dedans qui a joué dans Chuck aussi. Adam Baldwin, si je me trompe pas. Exact. C'est ça, oui. Ah, j'aime de tout mon cœur. Jewel State de Chaillot Bahut. Ah, que oui. Mais quel acteur fantastique. Je l'avais même pas reconnu dans Chuck. Dans Chuck, la première fois, j'étais là, il me dit quelque chose, tout, puis c'est en faisant une recherche à un moment donné sur Firefly que je me suis rendu compte que j'ai fait le lien. Mais moi, j'ai écouté Chuck avant. Ah, donc, okay, le lien a été plus facile à faire étant donné que j'étais déjà extrêmement fan de cet acteur. Ouais. J'ai écouté Chuck après, moi. Alors, Firefly. Pour ceux qui regardent Arrow, il y a aussi Summer Glau qui joue là-dedans. Elle joue une des filles principales de l'émission. Et on a, dans le fond, c'est ça, Firefly. Alors, série qui est sortie. Le coffret, c'est hyper vendu. Bref, ça a été un énorme succès. Encore aujourd'hui, c'est une série qui est considérée culte dans le milieu des séries un peu science-fiction, tout. C'est la série à voir. Et tellement culte que, la saison 1 terminait sans vraiment avoir, pas de fin du tout. Il n'y a pas de fin du tout à la fin de la saison 1. Et alors, ils ont sorti un film pour faire une fin. Avez-vous vu le film? Non, j'ai pas vu. Ben oui. T'as vu le film? Ben oui. L'as-tu aimé? les commentaires sont pas toujours super positifs. C'est parce que moi, le problème, c'est que je l'ai vu avant la série. Ah, ben oui. Okay. Ah, mon fait Dieu. Fait que c'est un peu mélangeant, mais oui, je l'ai vu. Cool. Mais l'as-tu aimé? Ça fait tellement longtemps que je pourrais même pas donner mon opinion là-dessus. Ben, selon moi, c'est un navet. Mais sinon, de toute façon, pour ceux qui aiment les séries de Joss Whedon, presque, je dirais pas littéralement, mais la plupart des séries de Joss Whedon que je connais ont des suites en bande dessinée. C'est comme ça qu'on continue les aventures. Je pense que X-Files a des bandes dessinées. Toutes les grosses affaires ont des bandes dessinées qui suivent la suite de l'histoire, et c'est créé par les mêmes gens qui ont fait la série. Donc c'est officiel, c'est canon qu'on appelle. Ça entre dans la vraie mythologie de l'émission. Okay. Du film ou peu importe. Okay. Ouais. Donc ça existe. Ça s'appelle Serenity. C'est des bandes dessinées. C'est comme ça qu'il avait appelé le film aussi. Il avait appelé le film Serenity, qui est le nom du vaisseau dans Firefly. Ouais. Pourquoi j'ai dit que le film était pas bon? Selon moi, il faut vraiment écouter la série, écouter le film si vous voulez avoir une idée un peu de où est-ce qu'on s'en allait, parce que ça donne quand même une idée. On retrouve les mêmes acteurs, tout. Écoutez, là, en version originale, par contre, en version française, c'est vraiment pas bon. Ah, ben ouais, comme tous tes autres. C'est vraiment... Non, c'est faux. Faux. Scrub, en version française, c'est très bon. C'est plus l'exception que la règle. Ouais. Mais Firefly, en version française, un, on n'a pas les mêmes voix que la version française de la série. Deux, très mal doublé. Mal fait. Les textes sont faits de briques-braques. Sont vraiment mal écrits en français. Et vraiment, on essaye de prendre toutes les informations qu'on nous a mis dans une saison pour nous les mettre en condensé avec une explication dans un film de 1h30. Okay. Et en même temps, pour ceux qui n'ont pas vu la série, on essaye d'apporter des explications pour pouvoir écouter le film. Ça, réalises-tu à quel point ce film-là est... C'est lourd. C'est lourd. Oui. C'est très dur à écouter. Ouais, il y a de l'action un peu incompréhensible. Qui c'est qui écoute ce film-là sans avoir vu la série avant? C'est fait pour les fans. Hein? C'est ça. Mais il est sorti au Québec, puis la série, je sais pas si elle a été tant populaire. Non, c'est ça. Elle avait probablement pas la même notoriété. C'est non, c'est après le film, je pense que la série est arrivée... au Québec. La série est arrivée au Québec, en fait. Mais je pense qu'après le film, il y a quand même eu une montée au Québec sur Firefly, parce qu'il était connu par le film. Okay. Mais peut-être que je parle à travers mon chapeau. Je sais pas. Quand le film, ça doit pas être si... c'est sûr que c'est autour 2005-2006, le film. Il y a au moins un an là, qui a passé après ça. Prochaine série? Ben oui. Firefly, hein? Ça va aller. Life on Mars. Ah, oh, wow, tu y vas quand même obscur. Est-ce que tu vas avec la version originale ou la version britannique? Britannique. Ben, oui, britannique. 2006. Life on Mars en 2006, réalisé par John Millus avec William G. McDonald et Bruno Heller. Alors, c'est la version britannique. On a souvent ça, une émission britannique qui va avoir une version américaine aussi. Il y a une version américaine, j'ai pas écouté la version américaine encore. C'est en faisant des recherches sur. Ben, en même temps, je pouvais quasiment guesser qu'il allait avoir une version américaine, sachant qu'il y a une version britannique. Ouais, et t'aurais pu deviner, comme la plupart des remakes, que ça a duré comme 3 épisodes. Oui, c'est ça. Donc, la version britannique que je veux parler de Life on Mars, moi je trouvais que c'était une très bonne série qui a duré une saison. C'est une série très originale. On a un policier qui est de notre temps, qui pour une raison très obscure se retrouve propulsé en 1973, dans les années 70. Alors, il est encore policier, il est encore reconnu comme un policier, fait qu'il travaille sur des enquêtes policières des années 70. Le problème, c'est que lui, il a la mentalité d'aujourd'hui. Alors, avec les policiers qui n'ont pas le droit de faire, ils n'ont pas le droit de frapper les témoins. Et dans les années 70, disons que les policiers sont plus lousses. Alors, d'outils pour attraper les criminels. Et ils peuvent utiliser un peu plus leur pointe, un peu plus rough. Ils peuvent cacher certaines... c'est pas tout à fait... Ça peut être assez croche des fois qu'est-ce qu'ils font les policiers à cette époque-là. Alors, il doit... Et ça se veut, à un certain point, humoristique et non dramatique. Okay. On n'est pas totalement dans la comédie, on n'est pas totalement dans le dramatique, on est vraiment dans... comédie-drame, là, qu'on se retrouve là-dedans. Une dramédie, comme on disait dans Ali McBeal. Donc vraiment, Life on Mars, c'était selon moi une très bonne série qui n'a pas assez pogné, malheureusement, alors qu'il a terminé, qu'il y avait quelques bons, comme toutes les séries britanniques, quelques épisodes. On est jamais autour de la vingtaine d'épisodes. On avait des bons acteurs à l'intérieur de ça. Life on Mars. T'as écouté Life on Mars? J'ai pas écouté, malheureusement, non. Mais tu connais? Je sais que ça existe, mettons. OK. Ça, je peux dire ça le bien des affaires, que je sais que ça existe. Mais vous pouvez l'écouter. C'est une série vraiment qui s'écoute assez bien. Okay. C'est vraiment épisode par épisode. Mm-hmm. Chaque épisode, vraiment, sa petite histoire. c'est peut-être commencer par le premier parce qu'il explique un peu bon les relations entre les personnages, mais à partir du troisième, je m'excuse, je pense que j'ai dit qu'il y a une saison, mais je pense qu'il y a deux saisons. Je crois qu'il y en a deux. La il y a deux saisons, oui. Il y en a deux. La version américaine, j'ai menti tantôt parce que j'ai pas vérifié avant, mais 17 épisodes la version américaine. Bon, tu vois, on va se rattraper les deux. Ouais, exact. Donc, il y a deux saisons parce que je viens d'avoir un flash, oui, du début de la saison 2 parce que là, il est dans un appartement très miteux. Puis, ses relations avec son partenaire vont évoluer. Alors, on a quand même une certaine évolution, mais ça ira pas plus loin que la saison 2, ça, je suis certain. Oui. Prochaine série qui est morte dans l'œuf, on va avancer parce que tu... allez. Il y a d'autres catégories. Prochaine série, Rome. Ah, ok. Alors, une série avec beaucoup de budget. Série qui, avant Game of Thrones, probablement une des séries qui a coûté le plus cher. Je sais pas si vous avez écouté ça. Non, pas. Mais c'était dans mes projets à écouter. C'est très bon. Deux saisons, Rome, une bonne reconstruction du décor. C'est très bien écrit. Oui, en tant que tel, c'est très bien écrit. On suit à la fois des personnages fictifs qui évolue, bon, ben c'est à Rome, dans un milieu que c'est prouvé, c'est historique, qui est arrivé vraiment ces choses-là. Bon, on suit un peu l'évolution de Jules César, Pompée qui quitte finalement Rome parce qu'il est expulsé de là-bas du Sénat, sa vie est en danger. Alors, on suit vraiment tout ça, Cléopâtre qui arrive à Rome, un peu les relations entre Rome et l'Égypte au moment où Cléopâtre est sur le trône. On suit vraiment ce côté historique là, et en même temps avec des personnages fictifs qui vont vivre leur propre histoire, et c'est très bien fait. Alors, on suit entre autres deux Romains. Deux Romains qui sont dans la milice. Enfin, je vais le dire de même. Alors, deux Romains, alors... C'est un milicien comme... un policier. Ouais, un milicier. Ouais. Comme ouais, un policier, police. Comme dans Milice Valérie. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on a ces deux... Ça va comprendre les références, c'était bien avant lui. Il comprend pas ça. Moi, je poursuis. Alors, on a deux Romains comme ça qui vont, bon, être, entre autres, bon, on va commencer, ils sont dans la guerre, ils sont en train de se battre contre les barbares. On va poursuivre ensuite, ils vont s'en aller jusqu'en Égypte. Puis après ça, bon, on a le retour à la maison avec leur famille, comment ça se passait quand ils revenaient, parce qu'ils partaient pour de longs moments, ils partaient pour des années avant de revenir avec leurs femmes, leurs enfants qui ont grandi, qui savent même plus c'est qui cet homme-là. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Deux saisons, qu'est-ce qui est arrivé avec cette série-là? Mais les décors ont pris feu. Ah non! Oui. Ah ouais, voyons donc. Fait que les décors ont pris feu et trop cher, oui. à ramener cette série-là. C'est HBO en plus, fait que ça devait avoir coûté cher les plateaux de ça. Comme que je dis, c'est une série qui a coûté très cher à faire en décor. Alors on voulait reprendre et quand on écoute la série, on est dans les mêmes décors souvent. On va se retrouver dans des plaines à quelques moments. Des décors naturels, mais sinon en tant que tel pour la Rome, c'est vraiment de la façon que la caméra est placée qu'on fait changer le décor. Mais sinon, un couloir peut être utilisé pour deux scènes différentes qui sont pas dans deux villes. Pareil, je pense que... Je veux pas dire ça. Faudrait que je fasse des recherches pour ça. Mais bref... on utilise pour plusieurs raisons. Ouais, parce que je pense qu'ils ont utilisé un décor aussi pour faire une scène en Égypte à un moment donné, mais c'est un décor qu'on retrouve à Rome. Ouais. Mais je suis vraiment pas sûr de tout ça. Ah, il était pas assuré pour ça? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça coûtait vraiment cher pour ramener ça, cette série-là. Bref, ils ont décidé qu'il valait mieux d'annuler la série et de fermer ça. Ouais. Autre série, un peu... Excusez-moi. Ouais. Ça va aller. Ça va aller. Je pense que ça va aller. Ouais, là, c'est encore comme trois catégories. Faut qu'on avance. Oui, il en reste une dans celle-là. Oui, il en reste une. La dernière, dans le fond, Pushing Daisy. Oh, Colin, là, tu m'attends, par exemple. Ah, c'est-tu plate, ça soit... Ben c'est bizarre, un peu, comme la dernière saison de ça. Il y a eu trois saisons, je pense. Je crois que c'est deux, mais je sais pas, ça, je vais aller voir. Je pense qu'il y en a eu trois, parce que je pensais qu'il y en avait deux. Il y en a deux. Il y en a deux? 2007, 2008, 2009, bon. Mais je crois que peut-être qu'une des deux saisons a été diffusée en deux parties. T'sais. OK. Si leur émission est retirée des ondes, mais que le contrat dit qu'ils doivent les diffuser, ben il y a une petite pause, puis ils mettent à des moments où personne ne regarde la TV, genre dans le milieu de l'été. Mais non, ça arrive, font ça. Parce que c'est ça, je me rappelle que cette série-là, j'avais écouté la saison 1, ça, je suis sûr, et que j'avais ensuite, je pensais avoir écouté la saison 2 aussi ensuite, ouais. Que j'ai arrêté, puis que j'ai découvert, bref, il y a des épisodes que j'avais pas vus. Ben, moi, je voulais pas la finir physiquement parce que je savais que ça allait me déranger de la finir. Ouais. C'est pareil comme Dead Like Me. Parce que c'est le même créateur, j'en parle tout le temps quand je parle de Pushing Daisy, mais c'est le même créateur que Dead Like Me, Wonderfalls, Hannibal. C'est super frustrant. C'est Brian Fuller. Pour ceux qui veulent se renseigner sur la bibliographie, la cinématographie de Brian Fuller. Commencer par Pushing Daisy, c'est une très bonne porte d'entrée. Ouais. C'est vraiment très spécial comme série, vraiment très original, mais autant au niveau de l'histoire, bon, ça peut paraître juste sur papier une fille qui revient à la vie, qui, bon, l'homme, quand il touche des cadavres, ils ont le temps, ils ont 15 secondes, 30 secondes, le temps de parler, de dire qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ils sont morts. Ils vont essayer, avec un policier, d'enquêter là-dessus. Et il y a là-dedans une femme qui est revenue à la vie, mais qui peut pas... Là, c'est fou. Si elle retouche au gars... Si elle retouche, elle meurt. Elle meurt, c'est ça. Mais pourquoi elle... c'est ça. C'est parce qu'ils peuvent pas... Fois que tu l'as ramené à la vie, c'est terminé, il faut plus que tu y touches. C'est non, c'est ça. Fait que faut plus que tu y touches. Il tombe en amour dès le premier épisode, genre, fait que c'est ça. Fait que l'histoire de la morte, finalement, qui reste avec le personnage principal. Mais les autres morts vont les réanimer au bout de 30 secondes. S'ils leur touchent pas, ben il reprend vie, il reste à la vie à ce moment-là. Donc faut qu'ils le touchent avant 30 secondes pour pas qu'ils restent à la vie ensuite. Pas être obligé de leur courir après. Donc Pushing Daisy, c'est un peu ça le speech qui est sur papier. Bon, ok, assez. On entend beaucoup parler de ces séries-là qui ramènent des morts pour savoir comment ils sont morts. C'est vraiment dans la façon que c'est réalisé, dans la façon que c'est produit, les couleurs cette série-là, que c'est original. C'est vraiment une série qui est très belle à voir. C'est une belle série. Le gars est un visionnaire, Brian Fuller, clairement. C'est vraiment fantastique. On a l'impression que le gazon, c'est de la réglisse dans cette série-là. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est comme un bonbon, écoutez ça. Mais oui, c'est vraiment... Ça, c'est probablement les séries de Brian Fuller. Une bonne raison d'acheter une télé HD. J'ai l'impression qu'on est dans... Oui. J'ai l'impression qu'on est dans l'usine de Willy Wonka, mais sans cesse. C'est vraiment beau comme série, c'est très poétique, c'est très léché comme style. Exact. Le gars, il prend son temps, il a le souci du détail. Oui. Je pense que c'est facile au premier abord de juste faire « Ah, oh, ça a l'air vraiment mauvais », puis de pas l'écouter, parce que, étonnamment, c'est passé au Québec. Ouais, c'est, oui, à TQSV. Oui, c'est ça. Puis tu sais, j'ai vu l'annonce, j'ai fait comme « Arc, c'est quoi cette affaire-là? » Et plusieurs années plus tard, Mathieu m'en parle avec vraiment des bons commentaires. J'étais comme, OK, peut-être que je devrais ouvrir mes horizons. Ouais. Et je suis contente d'avoir écouté ça parce que ça n'a rien à voir à ce qu'on s'attend. Parce que c'est vraiment excellent. Pour ceux qui aiment, je crois que c'est dans quoi? Avengers, ce que tu m'as dit qu'il jouait, c'est Lee Pace qui est dans cette série-là, Pushing Daisies. Lee Pace, l'acteur que toutes les jeunes filles aiment en ce moment. Il a commencé, il a pas commencé du tout, mais il était en vedette là-dedans. Là. Bref, Pushing Daisies, cool, bon choix. Merci. Voilà. Je l'ai fait juste pour toi. <C'est dit>. Voilà, c'était pour les séries qui sont mortes dans l'œuf, que je trouve ça dommage. C'est toujours bon, un peu selon moi. J'en sélectionne quelques-unes. Oui. Donc. Je vais mourir en onde, c'est sûr. Ça va pas mal parce que si on s'est foutu trop longtemps, je veux dire que Pushing Daisy, c'est la Apple des séries télé. Oh mon dieu. C'est la Apple des séries télé. Faut plus que je m'étouffe. Faut plus que je m'étouffe. Prochain. Alors, on a les incontournables, les séries à commencer et les navets. T'sais, on sait qu'il y en a plusieurs catégories qui vont tomber et qu'on pourra pas entendre. Fait qu'il faut faire attention. Mais moi, je dirais celle à commencer pour qu'on ait quelque chose cet été à faire. Bonne idée. Donc, des séries vraiment. Tu peux aller sur les pages au fur et à mesure parce que, comme que je disais, tout écrit, j'aurais pas eu assez de place. Les séries que j'ai commencées, avez-vous commencé Daredevil? Non! Non, mais ça s'en vient, là. C'est spécial. Ça a l'air violent, qu'on me dit. Très violent, n'est-ce pas? Ah ouais? Pour du Marvel, c'est spécial. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment très surpris pour du Marvel. Je m'attendais à ce que ce soit... Il y a eu une série qui était sur Flash. Parce qu'il y a une série Flash aussi, là, en ce moment. Mais ça, c'est DC. Ouais. Oui, c'est DC, mais oui, qu'est-ce que je dis là? Je m'excuse. Mais c'est peut-être ça qu'il voulait faire. Peut-être qu'il voulait vraiment mettre une séparation très, très nette avec les séries de DC présentement. Parce que les séries de DC, il y a Arrow aussi, avec, l'archivaire. Marvel, c'est Agents of S.H.I.E.L.D. Agent of S.H.I.E.L.D. qui est familial ou qui est bien, mais Daredevil, oh mon dieu, c'est pas familial. Ils ont l'avantage d'être sur une chaîne Netflix qui a pas vraiment de règles sur rien. Agents of S.H.I.E.L.D. c'est sur un grand réseau américain, faut que tu fasses attention, même si c'est Marvel, ça reste que c'est une chaîne familiale, là c'est Netflix, il y a pas de règles. Parce que vraiment dans Daredevil, il y avait une personne proche de moi qui me disait qu'elle trouvait que ça ressemblait beaucoup à du Batman Begin, les films de Batman, là, avec Nolan. De Nolan. Xavier Nolan. Non, Chris Nolan. Chris Nolan. Ouais. Chris Nolan. Avec. Ce serait drôle, une parodie où je vois Xavier Nolan. Ah ouais. Donc, mais oui, vraiment, on a à peu près cet univers-là. Je trouve ça vraiment très, très spécial, très sombre, très recherché. On n'a pas un héros en costume de latex qui apparaît comme ça. C'est vraiment un héros qui part des bases et qui essaye, bon, pour une raison très personnelle, de faire sa propre loi. Mais là, vraiment, il est tiré sur une série. Très bonne série que j'ai écouté 3 épisodes à date, puis j'aime beaucoup ça. Ouais, j'aime beaucoup ça. On tendance à dire que vu que le héros est aveugle, c'est ça, dans Daredevil, ouais. Il est aveugle, donc ils ont fait la... Spoiler! Non, pas vraiment. Il porte son bandeau par-dessus ses yeux, ouais, ouais, il n'y a pas de trou dedans. T'sais. Mais ils ont fait la description vidéo qui apparemment est exactement parfaite pour Daredevil. La description pour les personnes avec acuité visuelle affaiblie. Ah, c'est, oui, c'est bon. C'est ça. Vraiment cool. Mais oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vraiment cool. Si j'avais exprès, je te le jouerais, mais je l'ai pas. prochaine série que j'ai commencé. Là, je suis rendu un peu plus loin. C'est vraiment la série que je poursuis en ce moment. J'essayais de la terminer pour en faire une critique. Une critique. Mais j'ai pas eu le temps. Une série avec Marc-André Grondin. Ah! Spotless. Spotless. Oui, je sais que non en français. Sans tache. Madame Chastache, la c'est... série. Ah non, je m'en allais dire sans laisser de traces, mais non, c'est non. Une autre série. Hey. Non. Spotless, alors comme une série. Ta collection série, de porno, là, sans oui, laisser de traces. Lâche ça. Oh mon Dieu, il a dit ça. Hey, il y a 12 ans. Ah, oui, c'est ça. J'ai pas l'âge. Je suis même pas supposé écouter Daredevil. J'ai pas le droit. Donc, Spotless, une série britannique. C'est... britannico-français. Ok. On a deux acteurs, ben on a non plus que deux acteurs français dans cette série-là, dont Marc-André Grondin. Cool, hein? Qui est l'acteur principal dans une série britannique, je rappelle. Ben oui. Donc, vraiment très intéressant comme série. On a vraiment le style britannique avec Marc-André Grondin qui est en plein milieu. Qui joue un français. Qui joue un français, oui. Okay. Malheureusement. Okay, québécois, ouais. Ouais, il perd un petit peu de ses origines. Ah, ouais. Ben bon, c'est pas grave. Il est bien bon. Ben, là, tu prends la chance qu'on t'offre hein, de jouer dans une série comme celle-là. Ouais, mais on s'entend-tu. C'est pas comme si un Américain avait jamais joué un Russe ou un Anglais. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Et c'est ça le cliché. Là, donc, on a vraiment cette série-là. Qu'est-ce que c'est que Marc-André Grondin joue un homme qui est un peu désabusé de la vie, qui a une famille mais qui est endetté jusqu'au cou, pas capable de s'en sortir. Le gouvernement, bon, un peu comme on vit aujourd'hui, fait des coupes dans tout et entre autres dans son métier qui est de nettoyer des scènes de crime, il est spécialisé là-dedans, vraiment nettoyer des scènes de crime pour, bon, une fois que les inspecteurs ont fait ce qu'il y avait à faire, lui, il nettoie tout ce qu'il y a pour plus que ça paraisse. Fait que désinfection, tout ça. C'est son métier. Son frère, qui l'a perdu de vue, revient et apparaît avec sa famille. Son frère, qui est complètement à l'opposé de lui, qui a une joie de vivre un peu inexplicable, mais qui revient, bon, avec la drogue. Alors, il se retrouve un peu malgré lui dans un réseau de mafia, alors avec sa compagnie, alors vraiment à travailler pour la mafia pour pouvoir, un, y arriver financièrement, et deux, ben, je vous dévoile pas le punch, non, mais non, bon, non. C'est ça. Alors, il y a une autre raison pour laquelle il reste. Ce serait drôle si il jouait les deux frères. Les... non, malheureusement, mais c'est un acteur quand même connu qui joue le méchant principal dans cette série-là. Il joue, entre autres, dans Downtown Abbey. Ah, ok. Il fait un personnage assez... On me dit un personnage qui est très gentil dans Downtown Abbey. Et là, c'est très drôle de le voir là parce qu'il est assez sang-froid. Est-ce que c'est Denis Ménochet? Oui, je pense que... Ouais. Oui, il joue Martin Bastiat. Pour voir le visage vite. Hop, hey, Colin, pour voir le visage, il faut cliquer dessus. Ah, hop. Ici, voilà. Lui. Lui, c'est le frère. Good. Lui, c'est son... c'est le frère de Marc-André Grondin, là-dedans. Lui, c'est un vrai français, il vient de Valoise. Oui, les deux sont vraiment français et, jouent sur... ils sont à Londres, okay. Alors, quand ils font cette série-là. Dernière série que j'ai commencé, que j'ai écouté vraiment un début d'épisode. C'est vraiment pour le concept, c'est un petit peu fou qu'est-ce qui arrive avec cette série-là. The Man in the High Castle. Okay. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. C'est Amazon qui produit ça. Première série produite par Amazon. Ça, on n'a pas tant accès facilement à ça. Faut y aller dans l'illégal. C'est un peu plus difficile. Quoique Amazon l'a mis en téléchargement gratuit, le premier épisode. Okay. Facilement accessible. C'est une série produite par Ridley Scott. quand même. Mm-hmm. Beaucoup de budget mis dans Amazon. Oui, dans Amazon aussi. Ouais. Mais dans la série. De nous, là, je te dirais que c'est nous qui donnons le budget à Amazon. Ouais. Amazon, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit un pilote et ils ont donné ça gratuit et ils ont demandé aux gens dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ça, est-ce que vous aimez pas ça. C'est une très bonne technique, ça. Ouais. Parce qu'il y a plein d'affaires, entre autres le film de Zombieland qui a eu un pilote puis qui n'a pas été choisi par le public. C'était pas assez bon pour eux autres. Fait qu'ils auraient pu avoir ça. Puis là, ben, ils ont mis leur argent sur. Quasiment dire que c'est pas exactement la même chose, mais Walking Dead, il est quasiment arrivé la même chose. C'était supposé être une saison seulement. Okay, okay. Et finalement, elle a été certainement pogné. Parce que la première saison, si vous l'avez écouté, il n'y a pas tant de budget dedans. Okay. Ils ont vraiment comme fait meilleur, ça pour tester. Ah, oh. Bon, on a de la critique. Bon, pour une fois que Steph et moi, on est d'accord. Yes. Ça finit bien la saison. Oui, c'est ça. On finit. On va arrêter sur un happy end. Donc, qu'est-ce que c'est cette série-là, The Man in the High Castle? Ça a été, finalement, c'est confirmé, ça va revenir cette série-là. Alors, ça l'a assez pris. Beaucoup de budget qui a été mis là-dedans. Le générique d'ouverture, magnifique. Juste pour le générique d'ouverture, écoutez ça. Après ça, arrêtez. Mais qu'est-ce que c'est alors? Et si les nazis avaient gagné? Alors, et si la Deuxième Guerre mondiale avait viré du côté nazi et japonais? Okay. Alors, on se retrouve en 2015 avec les nazis qui contrôlent l'Amérique au grand complet, qui contrôlent l'Europe aussi au grand complet. On a la Russie qui est un peu recroquevillée dans son coin. Les Japonais contrôlent une grosse partie de l'Asie. Et on est entre une guerre qui commence à se déclencher entre les Japonais et les Allemands. Alors les deux se regardent d'un côté du Pacifique. Donc, et si les nazis avaient gagné, de quoi aurait de l'air notre monde? De quoi aurait de l'air un peu la société américaine? Alors on se retrouve vraiment avec cette idée-là. Alors c'est vraiment une série d'anticipation. Mm-hmm. Alors on regarde un peu qu'est-ce que ça aurait donné. Alors vraiment, au travers de tout ça, on suit différents personnages là, qui vont évoluer à travers de ça et qu'on va voir l'évolution japonais-allemand entre eux. Ça, c'est pour le speech de la saison 1. Je sais pas si ça va continuer comme ça pour le reste des saisons. Mais pour la saison 1, on sent qu'il y a une petite tension comme ça qui tend à monter. C'est pour les fans d'histoire, hein? Mais j'avoue que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Ben moi, en ce moment, c'est ça. C'est une série qui m'intrigue beaucoup, mais que j'ai commencé un petit peu. Si j'ai pas terminé l'épisode, c'est pas que j'aimais pas ça, c'est que j'avais pas le temps. Je travaillais. Donc, il a fallu que je coupe, mais c'est une série qui est vraiment très intéressante. C'est beau quand même. On parlait de Pushing Daisy tantôt. Oui. Ici, bon, on se retrouve pas avec les couleurs sont très exagérées, mais c'est très sombre. Okay. Donc, c'est quand même, c'est vraiment beau pour ça. C'est vraiment un tout autre style de couleurs, de coloration, que je vais dire. Cool. Moi, j'aime ça, la coloration des séries. Oui, je vois ça. The Man in the High Castle. Donc, il restait les incontournables et les navets. J'ai l'impression, je veux y aller avec du moins connu que les incontournables. J'ai l'impression que les navets. On y va avec les navets. Les navets seraient cool. Oh, les navets. Tu vas bien finir ça. Ouais, parce que les incontournables, c'est du très connu. C'est ça. C'est du très très connu. Les navets. Bon, alors, des séries, bon, que je répète, que selon moi, c'est un peu. Puis, ironiquement, il y en a une là-dedans qui continue. Ironiquement. Ça. Hey, c'est pas parce qu'une série est renouvelée maintes et maintes saisons que c'est bon, là. Ah, mon Dieu. Moi, c'est genre top modèle. Hey, ouais. Je pense que c'est l'enfer. Je pense qu'elle est rendue à 2000 quelques épisodes, cette série-là. En tout cas, je peux vous teaser. La première série que j'ai mis là-dedans dans les navets, série québécoise. OK. Série est-ce que ça fait longtemps? Non, ça fait pas si longtemps. Complexe G. Non, je l'ai pas écouté encore. Je peux pas me faire d'avis encore. Mais je sais que vous me l'avez dit. Faudrait que je l'écoute pour la nette. Est-ce que c'est à TVA? Non, je pense que c'était à Radio-Canada. Ah, je pense que c'était à Radio-Canada. Ah, non. Pas, j'en écoute pas assez. C'était à Radio-Canada. Ça a duré à peu près une saison. Ça a été annulé à peu près en 2012. Fait que, ça a été diffusé en 2012, mais ça a été annulé par la suite. Ça a été écrit par Claude Meunier. Ah, Detecting? Detecting. Non, Adam et Ève. Ah, l'autre, Adam et Ève. Adam et Ève. Ouais. Et voilà. Oh, que c'était mauvais! Oh, mon Dieu! Fait qu'on est d'accord. Écoute, j'ai écouté le premier épisode, et le premier épisode, c'est un constant malaise, immense malaise. Moi, j'ai pas suivi. J'ai vraiment écouté la saison au complet. Ah, oh, mais t'es fort, t'es vraiment bon. Les acteurs sont cool, c'est oui, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est... Chance. C'est parce que... Claude Meunier a un style tellement particulier que c'est prendre exactement le même ton, les mêmes gags que La Petite Vie dans un tout autre univers qui ne fonctionne pas. C'est en ce moment le gros problème qui est reproché à Claude Meunier un peu, c'est qu'il reprend beaucoup de ses gags succès qui marchaient. Mmh. Et qui marchait dans les années 90. Ben là, c'est ça, on peut se passer à autre chose. Dans un univers caricatural. Oui, Pierre-François Legendre et Sophie Cadieux, je vais l'avoir, là, je suis allé voir. Oui, bon, mais c'est ça, c'est des acteurs qui sont... Moi, j'adore Pierre-François Legendre, que j'avais suivi beaucoup, j'avais connu beaucoup avec Les Invincibles. Mm-hmm. J'adore cet acteur-là. Les acteurs, le jeu d'acteur est bon. Il faut se le donner, le jeu d'acteur est bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est les textes qui ne fonctionnent pas dans cette série-là. Mm-hmm. Le concept... Il faut prendre trois acteurs différents. Le concept était qu'on avait le même couple qu'on voyait quand ils étaient jeunes, qui venaient tout juste de se rencontrer, le couple quand ils sont en train de s'établir alors que leur vie prend forme, et le couple à la retraite. Sauf que c'est les deux mêmes acteurs qui font les jeunes qui font le on couple. On se croirait à Vrac TV tellement qu'ils sont vieux dans les peaux de jeunes. Ah ben c'est ça, tu fais comme mon Dieu, quand ils sont vieux, tu y crois pas vraiment, on tombe dans l'absurde. Ouais. Quand ils sont stables, on tombe quasiment dans du drame à certains moments qu'il arrive des moments où là ils sont, parce que c'est les moments où ils se confrontent le plus, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Du drame avec le ton de Meunier, ça fonctionne. Non, c'est ça, on est plus dans du réaliste à ce moment-là. Fait qu'on passe en 5 minutes de très absurde, un peu dramatique, comico-cocasse, parce que quand ils sont très très jeunes, ils viennent de se rencontrer, ils sont un peu maladroits, ils découvrent un peu l'univers de l'autre, puis qu'est-ce que l'autre aime, puis ça va-tu marcher finalement, tout. Mais en même temps, puis c'est ça qui est drôle aussi avec cette série-là, plusieurs erreurs. Quand ils sont jeunes, on met une tension sur le fait de elle vient de découvrir qu'il fait ça, qu'il aime ça ou que tel, ça va peut-être pas marcher finalement. Et puis lui, fait qu'une tension de peut-être que ça va pas marcher. Mais on sait que ça va marcher parce qu'il dure jusqu'à la retraite. leur jeune, qu'est-ce qui est dans le présent? C'est le présent qui est dans le présent? La vieillesse est plus tard, puis la jeunesse est avant, ou est-ce que la jeunesse est maintenant, puis plus tard? C'est vraiment quand ils sont stables, qu'on est dans le présent, la jeunesse c'est avant. Okay. Fait qu'en même temps, on fait des gags sur le passé. Ben c'est ça, là. On essaie de faire des gags sur le futur. Okay. Ouais. Bref, non, c'est une série qui se perd elle-même, qui perd le spectateur, qui se perd dans son écriture et qui perd ses acteurs. Okay. Totalement. Fait qu'elle perd. Elle a tout pour elle. Non, c'est. Non. Flop. Sauf la chanson thème de Daniel Bélanger, apparemment. Je m'en rappelle plus non plus. Fait que. Moi, m'en rappelle plus. Mais le concept, je le trouvais intéressant. Malheureusement, je le trouvais intéressant. Mais je redonnerais encore sa chance à Claude Meunier, mais là, ces temps-ci, petit méchant. C'est ça, justement. il a fallu qu'il revienne avec son personnage pour garder le même ton qu'il avait. C'est un peu plate. Un peu plate pour un homme de cette trempe-là, parce qu'il faut donner à Claude Meunier ce qui lui appartient. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a une main d'écriture fantastique, un humour qui est fantastique, mais je pense qu'il est un peu bon. T'as plus limité par le contexte, je pense. Ouais, je pense que c'est. Il maîtrise peut-être un peu moins bien les technologies d'aujourd'hui, puis un peu le contexte d'aujourd'hui, mm-hmm. peut-être. Prochaine série que j'ai mis dans les navets. Alors. Devinette encore? Ah, peut-être vous allez au Québec, on la connaît pas tant, mais ça se peut que vous en ayez entendu parler. C'est une série française. C'est une série, si vous écoutez des humoristes français, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de gags sur cette série-là. Au point que je trouve ça lourd maintenant, tellement ils font des gags sur cette série-là. Tant que ça. C'est un running gag carrément. C'est une série, ça fait à peu près 2000 épisodes qu'elle a. ça tient, puis ça pas. J'ai écouté un épisode pour pouvoir en parler parce que je savais. On entend de cette série-là que c'est pas bon tout. Fait que je vais écouter un épisode, voir si c'est si mauvais que ça. Fait que je l'ai mis dans les navets. T'as pas glissé un mot dans ta dernière chronique, quelque chose de même? J'ai pas souvenir que j'en ai parlé. Mais ça se peut que j'en ai parlé. Peut-être que c'est ça. Je sais qu'il y a une série que t'as fait mention que tu comprenais pas pourquoi c'était toujours ramené. Je me souviens pas du nom, mais j'ai entendu ça dans Prérequis. Mais il me semble que oui, j'ai parlé d'une série que je comprenais pas. Mais juste glisser un mot, donc je sais pas si c'est ça. Je suis pas sûr que c'est elle. Parce que elle, cette série-là, dans le fond, la plus belle la vie. Plus belle la vie. Non, ça ne dit absolument rien. Ah, mon Dieu. Non. C'est une série que si vous allez en France et que vous parlez de plus belle la vie, ils vont faire Ah ouais, c'est comme les feux de l'amour, genre, tu sais, non? Ben, c'est drôle, c'est parce ça, que hein? Sur les forums, ils comparent aux feux de l'amour! Voilà, voilà. Mais version française! Téléroman filmé ça, ça vous donne déjà l'idée de qu'est-ce que c'est comme série. Coronation Street français, si on veut, pour les Anglais, là, c'est... Ouais, ben, c'est assez spécial comme série. Ouais. J'ai écouté un épisode complet, que j'ai pris au hasard, et j'ai écouté plusieurs extraits d'autres épisodes pour voir un peu qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi ça marche pas, cette série-là. Le speech principal, hey, c'est du kéten. OK, l'histoire, c'est qu'on suit, on est dans un quartier assez riche, assez... Ben, pas riche, c'est même pas riche, c'est plate de même, c'est un quartier qui est correct. Il y a des riches, il y a des pauvres, c'est un quartier comme ça. Et les gens vont voir l'affiche de Plus belle la vie. Allez voir l'affiche de Plus belle la vie. Ils sont trop heureux pour ce que c'est, genre, pour qu'est-ce qui se passe dans cette série-là. Ils sont trop contents. Ça s'auto-complète aussi que tu tapes le mot « plus », genre. Oui, c'est ça. Vrai? C'est vraiment le premier résultat. Plus belle la vie, dans mon cas, quoi. Donc, c'est une série qui dure. Tu vois-tu le... En fait, je vous décris un peu l'affiche que j'ai vue. Ben, ils sont les mains dans les airs, tous. Ils sont tous contents. Et il faut savoir que dans cette série-là, il y a quasiment un mort par épisode. Ah, bon. Il y a... Il y a un mort, mais des fois il n'y a pas de mort. Des fois le mort revient, des fois il n'est pas si mort que ça. Des fois il parle du mort, mais il rit en même temps parce qu'il fait des gags dessus. Ok. C'est comme. Ah ouais. Ok. Ben, puis c'est des gags, c'est du forcé. Là. Les gags, c'est du très très forcé. Là. On parlait d'Ada et Eve. Oh, là-dessus, on a atteint sa mort. Ah ouais. Il devrait mélanger ça avec notre téléroman à succès québécois, puis appeler ça genre Plus belle la Virginie. Plus belle. Hey, mais sans... Ou Plus belle la 30 vies. Oui, c'est bon. Sans faire, je trouve que 30 vies puis Virginie, c'est meilleur que ça. Ah ouais, sans faire ça, j'ai écouté. T'es écouté? Par curiosité? Pas au complet. J'en ai écouté quelques épisodes, mais sans faire ça. Ben, tu sais, faut que je comprenne de quoi je parle aussi, là. Ben oui, on est pro ou on l'est pas. Ben oui, c'est ça, quand même, je suis payé. Par notre admiration. Oui, c'est ça. Et notre respect, quand même. Donc, Plus belle la vie, qu'est-ce qui fonctionne pas là-dedans? Bon, ben, le speech principal de on est dans un quartier qui est correct, qui est cossu, qu'on suit des gens qui ont une évolution normale, finalement. Quand on lit le résumé, c'est un peu ça. La caméra, comment c'est filmé? La caméra tremblote tout le temps. Ouais, c'est gossant, ça. Ça filme les gens et ça tremble tout le temps. Vous regardez les plus coins. Humain, genre, comme dans la vraie vie, tu bouges. Ouais. Comme proche, j'ai vu, je pensais pas revoir ça. Il arrive quelque chose de dramatique. Bon, avec leur accent français, les séries, ça passe moins bien au Québec. C'est souvent pour ça qu'on entend parler moins de la série française ici. Il faut l'avouer. Il y a très, très bonnes séries françaises qui savent comment tourner ça, mais généralement, quand ils essayent de faire des espèces de séries un peu à la Virginie, qui sont plus des téléromans, finalement, ça passe moins bien. Parce que, bon, c'est... On est pas fan de ça. Ouais, c'est ça. Ça marche pas ici. On est plus américains que français ici. Puis là-dedans, ben, c'est vraiment ça. Fait que, bon, il parle tout. Alors, il dit, non, mais tu l'as pas trompé. Et là, la caméra fait un gros zoom dessus, puis elle tremblote. Parce que vu que le zoom, dans le fond, quand tu zoomes avec une caméra, ben, t'as moins de contrôle dessus. C'est plus précis, finalement, l'image que t'as. Donc, le tremblement augmente. Alors, généralement, c'est pour ça que tu te mets sur trépied quand tu veux faire un gros zoom ou que tu vas utiliser une autre lentille pour changer ton effet. Ici, on a un gros zoom qui est fait à la main, ce qui donne un effet de gros zoom dramatique. Puis t'as l'effet sonore, point, point, point. T'as pas d'effet sonore. Non, pas d'effet sonore là-dedans. C'est tranquille comme série. Il n'y a pas de musique, pas d'effet sonore durant les épisodes. quelques musiques une fois de temps en temps entre changement de scène, mais sinon, c'est très peu d'effets. J'ai donc bel goût d'écouter un épisode. Mais c'est des séries qui sont à écouter parce que c'est drôle, c'est tellement drôle. C'est le cœur a ses raisons, mais j'ai pas voulu que ce soit drôle. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu peux pas écouter Adam et Ève juste péter du bout pour voir à quel point c'est pas bon, mais tu peux pas avoir de plaisir. Non, c'est ça. C'est parce qu'on est trop proche en même temps des acteurs, on vit quasiment le malaise. Ah, vraiment. Il y a un jeu vidéo sur Nintendo DS, Plus belle la vie, le secret du Dr. Olivia. Ouais. Jure, sorti en 2008. Ouais. Jure. Non. C'est beau, regarde la pochette. Oh, tu vois ça. C'est drôle, puis c'est vraiment vrai. C'est un peu comme Pokémon Snap. Ouais. Faut que tu les attrapes tous. C'est ça, je pense. Je vais aller trouver des vidéos sur YouTube pour voir c'est quoi ce jeu. Come on, fuck off, on achète le jeu. Voyons donc. Donc, juste vous décrire une scène, vite, c'est sur cette scène-là que j'ai vraiment. Qui ont confirmé que je le mettais là-dedans. Oui. Je me demande juste, comment est-ce que le public cible peut être le même de la télésérie et du jeu? En même temps, il y a un effet qui est un peu bizarre avec des séries comme ça. Surtout en France. En France, il y a des séries qui vont durer très longtemps. Entre autres, qui vont aller chercher. Oh mon dieu. je regarde le jeu vidéo sur YouTube, je vous le montre, c'est comme ça. Ah, pour vrai? Ça sent bien. Ça va être le jeu vidéo, ça. Ouais. Excuse-moi. Hey, juste la présentation. C'est ils ont été redessinés au crayon, genre, ça a l'air vraiment incroyable. Ben, vous allez vivre une belle aventure. Une belle aventure. C'est ça. Wow. Hey, des pinces. Je sais pas pourquoi il utilise des pinces, mais il y a sûrement un crime à réaliser. Mener l'enquête sur des trafics, vols et meurtres. Ben oui, parce que c'est ça, dans le fond, dans Plus belle la vie. C'est que quand on lit le résumé, c'est des gens de tel quartier, je me rappelle plus du nom, vivent des moments entre eux. Et quand ils te le présentent, que c'est la série même qui te le présente, ils te présentent vol, meurtre. Ah ouais. Puis tu fais quand même. OK. Mais quand t'écoutes la série, c'est Plus belle la vie 2. Ah, ça, c'est le deuxième jeu, excuse-moi. Il y a deux jeux. Ah, mon deux Dieu. Jeux. Oh, ouais. Hey, c'est l'enfer. Oh, ouais. Ah, ça n'a pas de bon c'est sens. C'est le premier résultat. Je pensais que c'est un peu, tu sais, comme le jeu où il faut que tu nourrisses ton chien, tu peux y faire apprendre des donner la pâte. C'est ça, mais... la même chose avec les personnages de Plus belle la vie. Mais vraiment, là-dedans, on a, entre autres, ben, tu sais, Joséphine Lange-Gardien, c'est un peu le même phénomène. C'est, une c'est série de qui ça poursuit. Que tu avais parlé. Ah, ben oui, oh, ben oui. C'était de ça, c'est ça que tu avais mentionné. Ben, il y a beaucoup de gens, oui, ça se peut que ce soit ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent, je me rappelle pourquoi j'en ai parlé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi ça se poursuit. C'est ça. Mais si ça se poursuit, c'est qu'il y a une raison quelque part. Cette série-là, oui, elle va chercher un certain public. Je peux comprendre le public qu'elle va chercher. C'est une série qui a un concept, bon, faut le dire, qui est à l'époque, qui était un bon concept et qui navigue là-dessus. Ça doit pas coûter cher à produire, non? Non, ça coûte pas cher, ça coûte tout seul. Puis bon, ça va chercher un certain public. Je peux comprendre. Personne âgée, mettons. Mais Plus belle la vie, là. Non, pour avoir. Poubelle la vie. Poubelle la vie. Bon, il y a plein de petits gags comme ça sur Internet, un peu sur cette série-là. Ouais. Une scène, vite, une scène que j'ai écoutée qui a confirmé que je le mettais là-dedans. C'est une scène où on a un jeune homme qui semble être en thérapie avec une thérapie de groupe. Tout le monde est en thérapie de groupe, puis je comprends pas trop pourquoi. C'est un extrait que j'ai pogné. Elle dit à une fille, celle qui gère la thérapie, dit à une fille: ah, vas-y, provoque-le. Fait que, ok. La fille, elle se lève. Puis là, elle commence à l'insulter. Fait que, ils font une scène d'auto comme si c'était rentré dedans. Puis elle commence à l'insulter. Puis tout. Puis là, elle fait: ben, tu réagis pas. Fait que là, la fille qui contrôle. On va l'appeler la fille A. Fait que la fille A qui contrôle le groupe. Dit: non, mais laisse-lui le temps de venir. Ok, vas-y, continue. Insulte-le. Elle l'insulte, mais vraiment raide. Puis elle fait: mais là, ils réagissent pas. Non, mais laisse-le aller, continue d'insulter. Fait qu'elle l'insulte encore une nouvelle fois. Finalement, il réagit, mais il perd sa coche, il la prend par la gorge, puis il commence à l'étrangler. Puis là, il commence vraiment. Là, il est vraiment frustré. Jeu d'acteur incroyable en passant. Et la fille faire: non, mais t'es malade, pourquoi tu fais ça? Ben voyons, c'est ce que tu voulais. Mais. Allô? Ouais, c'est ce que la psychologue commence à l'engueuler. Puis elle l'engueule, le gars. Mais c'est la psychologue. En thérapie de groupe, je suis sûr qu'en thérapie de groupe, il y a personne qui se fait engueuler. Je suis sûr, c'est ça. Puis le gars, il reste dans le. Puis il y a une scène suivante où le gars, il est assis sur sa chaise, puis il est encore les yeux pissés comme s'il était encore fâché, puis on parle plus de lui. Ah, ok. Oh my ça, God. Ça a comme passé dans le bar. C'est lourd. Il a essayé d'étrangler quelqu'un. je tiens à le dire. Bref, c'est la scène qui a confirmé que j'ai fait OK, navet. Ouais. Dernier navet. Oui, dernier. Je vais clencher. Rapidement. Dernier navet, Mortal Kombat, dessin animé. Ah, ok. J'ai écouté un épisode sur YouTube qui parlait d'une série animée qui était un peu boboche. Mm-hmm. On a parlé d'une série qui a été faite sur Street Fighter, qui était effectivement boboche. Et le même chroniqueur a parlé de Mortal Kombat. Puis quand j'ai écouté ça, j'ai fait: Oh mon Dieu. Le dessin animé Defenders of the Realm. En 95, exactement, ouais. C'est ça. Donc c'est un dessin animé, vraiment, c'est public cible, c'est des enfants. Mais oui, Mortal Kombat, déjà partant, c'est drôle. Mortal Kombat, le public cible, c'est des enfants, c'est un dessin animé. Ouais. Ok, réalisez-vous le gag. Donc on est vraiment dans un dessin animé de 95, très très très très mal fait, avec une histoire sans queue ni tête, qui y a rien de culte là-dedans. Le dessin est très mal fait. On a des scènes où les personnages rapetissent d'une scène à l'autre. Hein? Mais il y a pas une raison, là. Dans le fond, c'est juste parce que le dessin est mal fait. Ah? Fait qu'il y a pas d'effet. À un moment donné, le personnage, il apparaît entre la porte, il arrive pour donner un coup de pied, mais quand tu mets sur pause, tu réalises que le personnage a rapetissé. à cause du dessin. Ah, c'est comme desséché. Wow. Ouais, c'est pas tant cool. Fait que le dessin est rendu super petit. T'as les combats Scorpion, quand il lance... Bon, un, il sort plus de corde par sa main. Il lance une corde, puis ça l'attache les personnes au lieu de leur rentrer dans le corps, pour ceux qui connaissent Mortal Kombat. Mais c'est pour les enfants. Ouais. Mais c'est ça, c'est pour les enfants. Fait que quelle mauvaise idée. Tout est hyper absurde pour les gens qui connaissent Mortal Kombat. Devine qui joue Sub-Zero. Luke Perry. Je te jure. Ah, c'est drôle, pareil. Ben c'est ça, c'est une série qui est comme... C'est un peu hallucinant que ça aille passer, cette série-là, que le concept aille passer. Il y a une série, il y a un moment où je me rappelle plus comment il s'appelle, mais celui qui fait de l'électricité, qui contrôle... Raiden. C'est ça, dans le fond, il vient chercher le monde, il vient chercher les combattants, il dit... Fait que là, il part tout ça, voilà, le combat va commencer et tout, puis il disparaît. Puis il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Ils font tir au poignet, José, aux cartes, obéis. Une scène qui est fantastique, c'est quand ils passent tous les combattants à la caméra, fait que t'as tous les combattants qui passent un à un. À la jeu vidéo un peu, comme mettons les personnages, soit les choix du personnage, genre... Ben, c'est vraiment comme, imaginez un traveling sur les personnages qui sont tous en ligne, puis qui sont en train d'écouter Raynon, justement, en train de parler. Okay. Sauf que là, on a les personnages principaux qui sont en avant, qui sont statiques. Puis on a 2-3 personnages en arrière qui font des trucs vraiment hallucinants. T'en as un qui fait juste fermer ses mains puis les ouvrir. Okay. T'en as un autre qui donne des coups de pied, mais vraiment mal fait. C'est des coups liés à angle droit. Wow. Qui donne. T'en as un autre qui tourne sur lui-même. C'est n'importe quoi. Quelqu'un c'est s'est gâté, il avait envie de tester ses habiletés à faire du dessin. T'as un gars genre qui est là, qui est tout petit comparé à tout le monde, puis qui a une grosse molle. Mais une énorme molle en arrière. Ça, avec une moustache? Avec un bandeau. Un molette? Une molle, c'est vraiment comme une moustache, mais comme trop longue. Okay, genre, tu sais, une moustache avec des poils qui sont trop longues, qui passent par-dessus la bouche. Là. Ben lui, c'est ça. Il est comme vraiment ça. C'est vraiment bien défini que ça part de sa moustache. C'est vraiment bizarre. c'est vraiment weird. Okay. Je pense qu'ils ont essayé de faire comme un effet de barbe, mais ça lui fait vraiment comme une molle. Fait que, en tout cas, c'est vraiment hallucinant. Puis cette série-là, écoutez-la, parce que vraiment, ça se tord de rire là, à chaque minute. Deux, trois bouteilles de vin, DVD de Mortal Kombat. Ça. Plus belle la vie, Mortal Kombat. Bonne soirée. Ah, on s'achève. Donc, c'était pour ça. Si tu veux, je peux faire la dernière vite. Ah, fait que si juste les nommer. En 3 secondes. Ils n'ont pas besoin de présentation. Fait que dans les incontournables, ceux que j'ai pas écoutés, malheureusement, alors 6 pieds sous terre. Alors, je n'ai pas écouté ça. C'est un incontournable. On a vu beaucoup de comédiens commencer là. Oz, une des. La première série de HBO, une des premières séries de HBO qui les a fait connaître, justement. The Wire de... Sur écoute aussi. Alors, série très originale qui a confirmé beaucoup HBO. Génial. Comme un géant. Très, très bon choix, ça. Les incontournables, c'est sûr que ça en est pour pas mal tout le monde. Je pense que c'est le consensus est là-dessus. Merci pour les catégories obscures. C'est cool. Je mettrais parce que je voulais faire un petit retour, dans le fond, de qu'est-ce qui allait arriver avec les séries, finalement. Fait que, dans le fond, par exemple, True Detective, on sait que ça revient le 21 juin 2015. Okay. Je l'ai fait pour toutes les séries. Je vais mettre ça sur la page Facebook. Génial. Ça, c'est parfait. Merci beaucoup, Frédéric Bernard. Quel homme attentionné. Il est là pour vous. Oh. Il est là pour vous. Nous, on a promis pendant toute l'émission et hier qu'on allait faire une semaine. Une grosse pointe tendresse et je pense qu'on va garder Frédéric Bernard pour terminer là-dessus. Ah ben oui! Un petit dernier 5 minutes, donc voici expressément pour vous à la fin de l'émission une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! C'est une grosse pointe tendresse, le chronique dans laquelle on se rend dans les dépanneurs, épiceries et autres endroits où il y a de la nourriture malsaine et on se procure quelque chose à goûter qu'on n'a jamais goûté avant. Voilà. Hier, on a commencé une petite série pour cette semaine spéciale de fin de session avec des objets, des aliments un petit peu moins obscurs que d'habitude. D'habitude, j'essaie de choisir. Ben moi, je l'avais jamais vu. Tu l'avais pas vu encore? Je l'avais jamais vu. C'est nouveau, mais ça va devenir gros. Ben oui, c'est sûr, c'était tellement hot. C'était les Reese's Snacks. Ça commençait bien trop fort, là. Absolument, c'était les petits bâtons Graham à la cannelle qu'on trempait dans du beurre de peanut. Est-ce que c'était officiellement la cannelle ou il y avait juste un arrière-goût de cannelle? C'était bon, je sais pas si c'était officiellement la cannelle, mais ça goûtait clairement la cannelle. Okay. Bref, c'était bon, les petits bâtonnets dans le Reese, là, c'était génial. Donc, un autre produit que vous allez probablement voir parce que c'est nouveau mais assez populaire et c'est une petite compagnie underground qu'on appelle Ruffle. Est-ce que vous avez vu aussi, comme moi, les Ruffle au steak sur le grill? Hein?